C'était Beyoncé à l'instant sur Fun Radio, Love on Top. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit sous la flotte, c'est hein. Ça s'est bien passé. Bon, d'ailleurs, il pleut encore actuellement, en tout cas sur Bruxelles. Je sais pas chez vous comment ça se passe, mais si vous êtes ailleurs qu'à Bruxelles, n'hésitez pas à nous le dire hein, pour qu'on sache un petit peu comment ça se passe exactement chez vous au 3044. Comment va Julie? Mais je vais bien. Elle a passé une bonne nuit? Oui, j'ai passé une bonne nuit, oui. Bon, eh bien, écoute, tant mieux, tant mieux. Grosse pensée, évidemment, pour Liège voilà. Ce matin, évidemment. Ouais, on pense avec, beaucoup à eux. Avec ce qui s'est passé hier, on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Des fois, qu'il y en a qui viennent d'une autre planète et qui n'étaient pas encore au courant. Julie en reparlera d'ici quelques instants de ce qui s'est passé à Liège. En tout cas, ce matin, on va essayer de passer une bonne matinée ensemble avec, évidemment, du lourd, évidemment, avec le retour du. The Frito Game. Ce sera un bien sûr tout à l'heure. Tout le monde nous envie. Et j'ai reçu des messages d'autres radios. Oui, combien pour le racheter? J'ai dit non. J'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a proposé 150 000 euros. J'ai dit non. Et bien pourtant, ça me donne le choix. Toi qui es tellement vénal. C'est vrai, mais là, je garde le jeu. Maintenant qu'on a quelque chose, je garde le jeu, je le dis. Bon, ce matin, on aura également la ligne anti-relou, évidemment. On fera chier du monde avec Tov, comme chaque matinée. Nous aurons bien évidemment notre ami Doudou avec son horoscope, comme d'habitude. Et puis, on parlera aussi des factures, évidemment. On va vous rembourser vos factures, comme chaque matin, pour vous inscrire. Et bien dès maintenant, si vous le souhaitez, vous y allez. Vous démarrez votre message par facture. Vous l'envoyez au 6322 avec le montant et l'objet de la facture. Et puis, on vous rappellera tout simplement d'ici quelques instants. Enfin, d'ici une grosse demi-heure pour vous rembourser votre facture. Et petit indice, en général, à 6h30, il y a forcément beaucoup moins de monde qu'à 8h, si je peux me permettre de vous donner un petit indice comme ça. On salue également les presque 60 000 personnes qui sont sur le groupe Facebook. D'ailleurs, on salue tout le monde. Il y a Laetitia qui est connectée, il y a Pierre également. Il y a également Tomé, il y a Alexandre, il y a Phil. Tomé qui me disait, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé à Liège? Qu'est-ce que tu y penses? C'est horrible. Voilà, c'est ça, c'est juste scandaleux. Bon, voilà, après, je suis pas non plus forcément. Je ne suis pas de la police, je ne suis pas juge. Mais voilà, j'ai effectivement mon avis, c'est effectivement honteux et scandaleux. À 6h28 sur Fun Radio, l'info va arriver d'ici quelques instants. Et puis, ah oui, c'est vrai, ce matin, je me suis encore fait réveiller parce que j'ai pas changé ma radio sur le radio réveil. Donc, qu'est-ce qui t'a réveillé ce matin? Hier, c'était The Bangles. Et alors, ce matin, c'est ça. Amit, ça va parce que ça, c'est encore joyeux, tu vois. Tu dis, allez hop, là, on va se lever, c'est bon, c'est bon esprit. Du coup, on va se faire le jeu, hein, le jeu du comment a été réveillé Mickaël. Et si vous avez une idée, hein, quel est le nom du chanteur? Il faut savoir, Julie qui chante. Hein. Non, je ne chante pas. Non. Elle avait le micro coupé, mais elle avait. Non, pas du tout. On pourrait faire le jeu des stars qui chantent faux, tiens. Bon, si vous avez une idée, hein, toujours les mêmes cadeaux à vous offrir. Hein, il y a des écrans plats, il y a des caméras vidéo numériques, il y a également des home cinéma LG ou encore des lecteurs MP3. Si vous avez une idée, quel est le nom du chanteur? Dans l'absolu, pas trop compliqué. Hein, le titre, c'est Uptown Girl, ça a été repris maintes et maintes fois. La bonne réponse au 6322, bonne chance. Et puis on nous signale déjà un accident sur la E19. À niveau de Boisingen, c'est Fredo qui nous envoie ça. Merci à toi, Fredo. Et puis bonjour à tous, vous êtes excellents, je rentre du boulot à Mété et apparemment il pleut a priori, hein, il pleut comme vache qui pisse. Bon, écoute, très bien, merci pour cette belle expression que j'avais un peu oubliée. Voilà, si vous avez une idée, quel est le chanteur de ça? Sauf qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur Fun, hein, c'est sûr. Allez, bonne chance tout le monde, 6322, c'est un euro le message, et puis dans un instant, on va écouter un son un peu plus fun quand même, hein. Gym Class Heroes sur Fun Radio. Ou alors ça? Oh non, ça va. On va choisir ça. 6h29 sur Fun Radio, c'est l'actu maintenant avec July. Bonjour à tous, Liège a connu l'horreur. L'attaque mortelle de Nordine Amrani a finalement causé la mort de 4 personnes et blessé 121 personnes. Gabriel, un bébé de 17 mois, a succombé à ses blessures hier. Il avait été touché à la tête. Nordine Amrani était connu de la justice. Il avait été condamné en 2008 à 5 ans de prison pour des faits de drogue, des faits d'armes et de mœurs. Mais il avait été libéré sous condition en octobre 2010. Et selon les quotidiens du groupe Sud Presse, l'auteur avait déjà tué avant son attaque. Les policiers ont découvert le corps d'une femme lors de la perquisition menée hier à son domicile. Il s'agit d'une femme de ménage âgée de 45 ans. Hier matin, Nordine Amrani l'a attirée chez lui sous prétexte de lui fournir du travail. Il l'aurait ensuite agressée et tuée et peut-être même violée. Et puis, la veille des faits, Nordine Amrani aurait versé une somme d'argent sur le compte de sa compagne avec la mention « Je t'aime mon amour, bonne chance », ce qui laisse à penser que son acte terrible était prémédité. Dans le reste de l'actualité, découverte d'un trafic de produits dopants dans une salle de sport à Frameray dans le Hainaut lors de perquisitions, les enquêteurs ont saisi des produits interdits ainsi que deux voitures de luxe. 8 personnes, dont 3 femmes, ont été interpellées et entendues, et 6 clients présents dans la salle de sport à l'arrivée des policiers ont été priés de se soumettre à un contrôle antidopage. Interdiction de rassemblement prolongée à Matongué, la commune d'Ixelles l'a prolongée jusque lundi prochain. Par contre, des manifestations peuvent éventuellement être autorisées en fonction des endroits, c'est ce qu'a indiqué le bourgmestre Willy de Courty. Environ une trentaine de commerçants d'Ixelles ont subi des dégâts matériels durant les troubles de la semaine passée. Un accord a finalement été trouvé pour la création de 250 cotes étudiants en Wallonie. Tout avait commencé par une première proposition de résolution déposée en mai dernier par le CDH, demandant l'engagement du gouvernement et plus particulièrement de son ministre du Logement, Jean-Marc Nollet, de construire 250 logements. De son côté, le MR avait déposé une proposition de décret sur le même sujet, mais il aura fallu des mois pour trouver un accord, notamment suite aux réticences des écolos. Et puis enfin, en sport, en basket, Mons a été éliminé de l'Eurocoupe, battu à l'Alba Berlin 83-63. Il est 6h32 sur Fun Radio. Bon réveil à toutes et à tous. Et nous allons passer maintenant à cette magnifique radieuse météo. Eh bien, le ciel sera changeant aujourd'hui. Je pense que tout le monde l'a compris, avec des averses évidemment à prévoir. Parfois hivernales sur les crêtes de l'Ardenne. Le vent sera une fois de plus soutenu en allant avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Températures qui ne dépasseront pas les 4 à 8 degrés. Demain, toujours des averses, toujours du vent et toujours jusqu'à 8 degrés. Et comme on l'était dans l'actu, je tiens à signaler également que Bardo Weaver était hier sur RTL et donc il sera ce matin sur Fun Radio live and direct, bien évidemment, puisque bon, vous savez, il y a un peu de pression à la télé, donc on voulait l'avoir dans un climat un peu plus détendu. Ouais. Voilà, donc on l'aura tout à l'heure, grande interview, donc ce sera à ne pas rater, ce sera évidemment avant 9h30. 6h32 toujours, Jim Classios arrive dans un instant avec Adam Levine, ce sera Stereo Earth, et puis il y a également l'info en plus maintenant avec July. Alors je ne sais pas si tu as déjà été à Rome. Oui, j'ai déjà été, ouais. Ah, et alors tu sais que les... Il est parti en week-end. Oui, j'étais en week-end, oui. Bah, week-end à Rome. Ah oui, d'accord, grave. Ok. C'est une belle vanne. Oui, c'était pas vraiment une vanne en fait, c'était non. Une chanson. Bon, c'était une chanson un peu ringarde, il faut le dire, mais enfin, bon, soit. Donc oui, j'y suis déjà allé, j'ai déjà été, oui. Que les rues sont pavées à Rome, beaucoup de rues sont pavées. Ouais, donc voilà. Alors, oui, ok, je pense que... Ce matin, on est en forme. Bien en forme. Ouais. Donc, les touristes, bien sûr, sont sous le charme de Rome. Mais bon, les Italiennes, perchées sur leurs talons aiguilles, elles ont un petit peu de mal et elles vivent carrément un cauchemar à chaque pas parce que c'est très compliqué de marcher sur des rues pavées qui sont un petit peu dégradées. Eh bien, le maire de la capitale italienne vient d'annoncer que l'une des rues centrales de Rome, la célèbre Via del Corso, allait être repavée. Les trottoirs et les routes vont être lissés. Il a déclaré que ce sera moins dangereux pour les femmes à talons. Ah oui. Donc on savait que les Italiens aiment les belles femmes et bien ils sûr. Aiment les femmes à talons. Hein, Oui, bah encore plus à talons. Ils aiment ce genre de filles. Eh bien, ça, ils vont commencer donc à repaver la Via del Corso juste pour les femmes à talons, ce qui est pas mal quand même. Et d'autres zones de Rome vont être modifiées dans les mois à venir. On parle de la Via del Teatro, Marcello, de Via Petrocelli, etc., qui vont être repavées juste pour nous les femmes à talons. Ouais, mais ça, c'est normal. Moi, je suis d'accord. Une belle blonde avec une entorse, ça ressemble à rien. Ah oui, c'est oui. Vrai que c'est dommage. Mais peut-être plus facile à l'aborder parce que t'as une manière de gérer éventuellement. Faut... Ouais, je peux vous aider, je peux vous porter. C'est ouais, moi, voilà. Pas s'enfuir en courant, quoi. Ouais. Ouais, non, ça c'est vrai. Il est 6h34 sur Fun Radio. On va s'écouter le son de Jim Classy Rose maintenant. Jim Classy Rose d'ailleurs qui sera en concert avec Fun. Ce sera au VK à Bruxelles le 29 janvier. Si vous voulez évidemment choper vos billets, vous pouvez le faire. Et plus d'infos sur le site de Fun, www.funradio.be. 6h37 sur Fun Radio, il y a dans quelques instants le son de Chris Brown qui va débarquer avec Pitbull, ce sera International Love. Et puis je vous rappelle qu'on cherche toujours ce morceau, si vous avez une idée, il y a des cadeaux pour vous, écran plat, Home Cinéma LG. Qu'est-ce qu'il y a également à gagner? Il y a aussi à gagner des lecteurs MP3 ou encore des caméras vidéo numériques. Voilà, c'est par quoi s'est fait réveiller Mickaël ce matin? Et bien par ça. Voilà, donc si vous avez une idée, hein, qui chante cette magnifique chanson? Bon, pour le coup, ça va, elle est sympa, tu vois, elle te donne un peu la patate le matin quand tu te réveilles, ça va. Ah, et puis, il faut voir Julie en train de bouger, là. C'est Upton Girl, voilà. Et en fait, pour vous donner un indice, le nom du groupe, enfin, le nom du chanteur, c'est deux prénoms d'affilée. Voilà, si vous avez une idée, 63-22, bonne chance tout le monde. Bon, on donnera la réponse ici quelques instants. Allez, bonne chance. Puis un message qui dit: salut Mickaël, de la part des auditeurs de Vince, il serait temps que tu changes de chaussures. Oui, mais c'est parce que vous êtes des moutons, ça. Vous êtes des petits moutons. Il serait temps qu'il change de discours aussi. Bah, il serait temps qu'il change de discours. Et puis surtout, il faudrait d'abord qu'il regarde ses propres chaussures, déjà. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, avant de critiquer les chaussures de quiconque, il ferait mieux de apprendre comment fonctionne le standard. Parce qu'il n'arrête pas d'avoir des problèmes avec le standard, sauf que nous n'en avons jamais le matin. Pourtant, on utilise le même studio, le même standard. Donc, qu'il apprenne d'abord à faire fonctionner le matériel avant de se permettre de critiquer quelque chose et qu'il regarde d'abord ses propres chaussures. On regarde d'abord soi-même avant de critiquer les autres. Voilà. Bon, on va parler de James Bond maintenant, enfin Daniel Craig. Daniel Craig. Parce que Julie savait pas qui c'était. Je lui ai dit, écoute, c'est James Bond, Daniel Craig. C'est ça, je prépare mes infos et je ne sais pas qui je vais parler, mais tout à fait. Eh bien, Daniel Craig, donc l'interprète de James Bond, il s'est montré très très honnête dans une interview pour un autre film, en fait, pour Time Out, avec Justin Timberlake. Eh bien, Daniel Craig a reconnu que le dernier James Bond, Quantum of Solace, ouais, eh bien, en fait, était merdique. Comme ça, moi, c'est avantage de direct. Complètement raté. Alors, ses propres mots, hein. Sur Quantum, on s'est fait baiser. Je pense, ouais, qu'il est assez clair. Oui, oui, je pense que c'est clair, oui, ça. Alors, dit tout, là. Il explique qu'ils avaient à peine une ligne directrice en guise de scénario, donc ils n'avaient pas grand-chose. Alors, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait une grève des scénaristes. Je ne sais pas si tu te rappelles que... Ah oui, ça a duré longtemps, même. Il y a 2 ans, je pense. Eh bien, il y a les scénaristes qui ont fait la grève, et donc, du coup, les séries ont dû s'arrêter. Ça, c'est ce qui nous a touché le plus vite, puisqu'on a dû attendre pour avoir la suite. Eh bien, forcément, les films ont été touchés aussi, et il y a eu une grève des scénarios, donc le scénario n'a pas été terminé de Quantum of Solace. Et de Solace, et donc il a dû le terminer lui-même. Ah oui, d'accord. Avec le réalisateur. Okay. Et donc il explique qu'avec le réalisateur Mark Foster, on était les seuls à pouvoir le faire. Et donc ils ont dû eux-mêmes terminer d'écrire certaines scènes. Ouais, et on se doute que c'est même pas leur métier. Voilà, exactement. Et donc ils se sont occupés de ça de justesse. Il explique que ça a vraiment été bouclé de justesse, mais que bon, voilà, c'est, le résultat est merdique, quoi. Oui, bah c'est ça, mais ça ne nous a pas empêché de le sortir et de se faire du pognon, hein, cela dit au passage. Mais enfin bon. Oui, mais c'est rare quand même qu'un acteur soit aussi honnête. C'est vrai, c'est vrai, c'est donc, vrai. Quel est le soumilé? Il est 6h40 sur Fun Radio, on recherche toujours cette chanson-là. On proposait Westlife, non, je veux la version originale évidemment. Ce n'est pas McFly non plus, ce n'est pas Elton John, ce n'est pas Roy Orbison non plus. J'ai dit, il avait en fait son nom et son prénom, en fait c'est 2 prénoms. Voilà, comme ça vous voyez, hein. Réponse: Uptown Girls de Westlife. Non, ça c'est la reprise, ça c'est la version originale que je vous passe. La bonne réponse au 6322, il y a des écrans plats à gagner, des home cinéma LG, des lecteurs MP3 ou encore des caméras vidéo numériques. Bonne chance à toutes et tous. Voilà, allez. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Soprano. Vous écoutez Mickaël à la radio. Justement, Mickaël, vu que tu fais le séducteur là au micro, c'est, ouais, c'est bizarre que tu es entouré que d'hommes dans ton équipe là. C'est un peu bizarre, hein. Merci, Mickaël. À la radio. On travaille avec Jules, faut le savoir. Ouais. Bon, juste au passage également, si vous entendez un son de soprano, il faut également vous inscrire au 6322 en débutant le message par soprano. Avec vos coordonnées complètes, on vous file les dernières places puisque le concert est sold out à Bruxelles. Et je peux vous dire que soprano pourrait éventuellement passer avant 7h, je dis ça. Je ne dis rien. Bon, quels sont les problèmes sur les routes ? Accident sur le 411 Luxembourg-Namur en direction de Bruxelles, à hauteur de Sarre-Bernard. La bande de gauche est obstruée. Il y a un véhicule en berne centrale. La circulation est fortement ralentie. Et puis également, accident sur le 411, toujours en direction de Bruxelles, toujours à hauteur de Overest. La troisième bande est obstruée. C'est juste avant la sortie Overest. Et puis accident, d'accord, sur l'A17 à hauteur de Saint-Léger en direction de Courtrai. La bande de gauche est obstrué au kilomètre 13, circulation fortement ralentie, bien sûr, levez le pied, il pleut et il y a du vent, ce qui n'arrange rien. Exactement, et Fredo qui nous confirme donc qu'il y a bien un accident là sur la E19, c'est en direction de Bruxelles à Beusingen où ça fout un petit peu le bordel. C'est Chris Brown qu'on écoute maintenant avec Pitbull International Love, et juste après, nos amis relous seront avec nous comme d'habitude. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Oui, effectivement, on paye les factures le matin, c'est vrai, mais en l'occurrence, ce n'est pas le moment, ce sera tout à l'heure. Les Fun Radio paye vos factures, ce sera d'ici un petit quart d'heure. Cela dit, si vous voulez vous inscrire, eh bien, sachez que vous pouvez le faire dès maintenant. Il suffit simplement de nous envoyer votre message au 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Exactement, mais là c'est l'heure effectivement de la ligne anti-relou, les meilleurs relous qui ont laissé des messages sur le 0473 86 00 13. Bah oui, c'est pas très compliqué, il suffit de donner ce numéro de téléphone à un relou, que ce soit un relou qui vienne vous draguer, que ce soit un relou au travail, que ce soit un relou dans les transports en commun, un relou au supermarché, un relou au marché tout simplement. Bref, pour vous en débarrasser, 0473 86 00 13. Du coup, bah, il va téléphoner après votre petite rencontre, sera persuadé d'être sur votre répondeur, sauf qu'en fait, bah, évidemment, il ne saura pas qu'il est sur le nôtre. Et donc, tous les matins, on écoute les messages. C'est Jean-Paul, tu m'as laissé ton numéro, donc je te rappelle, il n'y a aucun souci. Et vu ce qu'on a fait l'autre fois, je serais intéressé pour commencer. En plus, tu baisses bien. Rappelle-moi tout de suite. Ah bah écoute, alors si en plus il y a ça, alors tant mieux. J'ai envie de dire, on est sauvés, hein, de ce côté-là. Hein. Enfin, cela dit, ça veut dire qu'ils ont déjà couché ensemble. Donc, il y a peut-être déjà un plus dans l'affaire. Donc, bon, en même temps, s'il a terminé avec ce numéro de téléphone-là, c'est sûr que c'est pas gagné. Deuxième message. Tu sais, je t'appelle, décroche, s'il te plaît, merci. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. Ah oui, bah c'est trop tard, il malheureusement. Il est bourré, le mec. Ouais. Bah, non seulement il est bourré, mais visiblement il lui a déjà fait du mal, alors que visiblement ils se sont vus qu'une seule fois, puisqu'il a le numéro de la ligne anti-relou, tu vois. C'est pas comme s'ils étaient ensemble depuis 1000 ans, quoi. Bon, donc voilà, faites attention, ça peut arriver dans votre couple également, le numéro de la ligne anti-relou. Et troisième message. Bonjour monsieur, et je vous appelle parce que j'ai pas mal de problèmes dans l'appartement. À côté chez monsieur Roy, il arrête pas de faire des feux de cheminée de bois. Et un jour, j'ai été chez lui, chez monsieur Magno, et il m'a dit, qu'est-ce que vous foutez là? Foutez quand chez vous? Alors, si vous pouvez me rappeler ce matin. Oui, ça aussi, vous pouvez donner le numéro de la ligne anti-relou à vos locataires. Si jamais ça peut vous aider, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des locataires un peu relous, n'hésitez pas à leur donner ce numéro de téléphone-là. Je pense que ça peut être un bon délire. Dans un instant, je vous fais réécouter la chanson qu'on essaie de retrouver. Là, on proposait Déclaration. Ça, c'est pour la déclaration express de tout à l'heure. On proposait Peter Gabriel. Ah non, pas du tout, mais c'est dans le bon délire. Hein. J'avais dit que c'était deux prénoms, en fait, son prénom et son nom. Simon & Garfunkel. Non, pas du tout. C'est pas George Michael non plus, ce n'est pas non plus Jean-Michel Zeka. Non, il chante pas lui, hein, Dieu merci. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, je vous remets l'extrait là, vite fait. Et je recherche la version originale. Un auditeur a trouvé d'ailleurs en précisant même l'année 1983, et oui. Bah, des auditeurs intelligents, ça fait plaisir. Voilà, si vous avez une idée, c'est par ça que je me suis fait réveiller ce matin, donc c'est le nouveau jeu, hein, par quoi s'est fait réveiller Mickaël, hein, voilà. Si vous avez la bonne réponse, il y a des écrans plats pour vous, des home cinéma LG ou encore des caméras vidéo numériques ou même des lecteurs MP3, bonne chance tout le monde. Vos réponses au 63-22. Dans un instant, on va faire chez un petit peu de monde avec Toff, hein, comme chaque matinée vous connaissez. Et puis on écoute Global DJs maintenant, c'est Hardcore Vibes. Il est 6h53, excellent réveil sur Fun Radio. Global DJs à l'instant sur Fun Radio avec Hardcore Vibes. Il est 6h55. Dans un instant, l'info de Julie va débarquer. On proposait Paul Simon pour la chanson qu'on recherche. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas du tout Paul Simon. Voilà, mais je cherche bien évidemment la version originale. Il y a un message qui dit ok, merci. Je vous signale que j'ai la bonne réponse et vos animateurs la cherchent toujours. Non, on la cherche pas toujours. On invite les auditeurs éventuellement à s'inscrire s'ils ont la bonne réponse. J'ai dit qu'il y avait de bonnes réponses et donc nous ferons un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses que nous allons recevoir d'ici quelques instants. Voilà, donc ne t'inquiète pas, tu vas peut-être être rappelé. Alors, on va appeler du monde ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on va, on va appeler qui pour faire chez le monde? Alors, on va appeler des gens un petit peu au hasard. Je voulais essayer de rappeler ma copine, mais elle décroche plus. Ah oui, celle d'hier, là, effectivement, ouais, qu'on a réécouté dans le warm-up tout à l'heure. Ouais, elle décroche plus. Très déçu. Ah ouais, bah ouais. Bon, enfin bon. Et donc, en fait, ouais, je suis tombé sur une info qui dit que 35% des gens planifient leur rapport sexuel. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Donc c'est-à-dire qu'en gros les gens, c'est genre ils ont un calendrier et ils cochent les cases des jours où ils... Mais c'est super triste. Bah ouais, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs Julie, c'est tous les mardis à 17h. Bah, je travaille les mardis à 17h, donc c'est bien ça. Compliqué, mais... C'est bien pour ça qu'elle le dit. Oui, ça s'appelle de la promotion. Voilà, bon bah du coup on va appeler pour voir si ils planifient aussi leur rapport sexuel. Bah, voilà, les gens. Voir si les gens d'accord. Planifient aussi. Bon allez, appelons à Chapelle-Lerlémont. C'est parti, on y va. Là, voilà. Il y aura peut-être le son de soprano après. Je vais voir. Bah, du coup, il y a des places à gagner. Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que voilà, il y a environ 35% des gens qui planifient leur rapport sexuel et je voulais savoir comment ça se passait chez vous. Ouais, écoutez, monsieur, moi je suis encore au lit. Hein. Pour des bêtises pareilles, excusez-moi. Ah bah on t'excuse, hein, y a pas de problème. Bon, on va la rappeler quand même. Ah oui, hein. Parce que du coup, on ne sait pas. Voilà, oui, c'est vrai. Allez, peut-être hop. Peut-être qu'elle retourne au lit pour. Donc j'ai 6322 code soprano, dès que soprano passe. Pour les places pour le concert. Oui. Oui, excusez-moi. Si vous êtes encore au lit, c'est parce que vous avez planifié quelque chose ce matin ? Non, mais je suis à la retraite, je ne suis pas obligé de me lever à 5h du matin. Non, mais justement, vous pourriez en profiter pour faire des petites cochonneries sous la couette. Ah, je ne vous regarde pas. Ah oui, mais donc c'est ce que vous avez planifié ce matin ? Je ne vous regarde pas. Oui, d'accord, ça ne me regarde pas, mais vous pouvez me le dire quand même. Vous téléphonez des choses pareilles ? Bah, pour savoir si vous planifiez ou pas vos relations sexuelles. Je planifie ce que je veux. Enfin, c'est tout, je m'excuserai, mais je m'en vais me recoucher. Elle ne sonnait plus. S'il vous invite à le faire, hein. Moi, je pense une dernière fois. Un petit coup. Allez, une petite dernière. C'est nous qui régalons, c'est pour nous. On offre. Oui, excusez-moi, mais donc ça, vous ne m'avez pas dit. Si vous retournez vous coucher, c'est parce que vous avez planifié de faire des petites choses ce matin. Merci, monsieur. Je trouve la plaisanterie assez désagréable. Bonne journée. Voilà. Ah bah, c'est désagréable comme ça. Donc arrête un petit peu de nous bonne emmerder journée. Maintenant si c'est possible. Hein, parce que ça commence à bien faire maintenant. Bonne journée, monsieur. Oui, bonne journée à vous également. Bon, allez, on va s'écouter dans un instant le son de Soprano peut-être, je ne sais pas. Hein, mais quoi qu'il en soit, il va toujours. Ah, il y a un message qui dit avec Toff, les 365 jours sont cochés. Lol, c'était Mirko qui nous avait envoyé le message. Oui, mais il n'y a rien. Ouais, c'est ça en fait. Hein, c'est coché, mais il se passe rien à l'intérieur. Donc au final, c'est pas forcément une affaire. Hein. On proposait aussi. Attends, c'est quoi? Où est-ce qu'il y a, vous pouvez, si vous voulez, prévenir les gens qui écoutent Fun Radio que samedi à 13h, place Saint-Lambert, il y aura une sorte de marche blanche pour les blessés et les victimes. Bien sûr. Bah, voilà, le message est passé. Il y a aucun problème. On signale également la montée autoroute pour Bruxelles, Acny, gorgée d'eau. C'est Michel qui nous envoie le message. Et faites gaffe aussi. Effectivement, il y a beaucoup de flotte pour être passé dessus ce matin. Je peux vous le dire sur la troisième bande sur la E19. Entre Hall et Bruxelles, enfin Drogenbos. Donc voilà, donc faites gaffe, roulez pas comme des dingues non plus pour essayer de dépasser tout le monde. Ça risque de vous coûter bien cher. 6h59 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous appelle pour vous rembourser vos factures. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On écoutera aussi le son de Lady Gaga, Marry the Night. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Chez Vandenborg, on est sûr d'avoir le prix le plus bas, même pendant les fêtes. Alors pour moi, ce sera un lecteur MP3, un smartphone, une tablette, un ordinateur portable. Vous avez bien choisi. Oui, alors moi je vais prendre aussi un ordinateur portable, vous me mettez un petit téléphone en plus, hein, monsieur Vandenborg, vous êtes gentil, vous êtes bien urbain. Et vous me livrez tout ça au 33 du Télémac, d'accord ? J'espère que c'est clair. 7h sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. C'est l'heure de l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, Liège a connu l'horreur. L'attaque mortelle de Nordin Amrani a finalement tué 5 personnes et en a blessé 123 autres à l'aide de grenades et d'une arme automatique. Gabriel, un bébé de 17 mois, a succombé à ses blessures hier. Il avait été touché à la tête. Et cela aurait pu être pire. Nordin Amrani avait encore sur lui 9 chargeurs remplis de balles, d'après des proches de l'enquête. Il était connu de la justice. Il avait été condamné en 2008 à 5 ans de prison pour des faits de drogue, des faits d'armes et de mœurs. Mais il avait été libéré sous condition en octobre 2010. Et selon les quotidiens du groupe Sud Presse, l'auteur avait déjà tué avant son attaque. Les policiers ont découvert le corps d'une femme lors de la perquisition menée à son domicile hier. Il s'agit d'une femme de ménage âgé de 45 ans. Hier matin, Nordin Amrani l'a attiré chez lui sous prétexte de lui fournir du travail. Il l'aurait ensuite agressé, tué, peut-être même violé. Et puis, la veille des faits, Amrani aurait versé une somme d'argent sur le compte de sa compagne avec la mention « Je t'aime mon amour, bonne chance », ce qui laisse à penser que son terrible acte était prémédité. Dans le reste de l'actualité, Bart De Wever était hier soir l'invité du Grand Direct sur le plateau de RTL TVI. Le président de la NVA, le premier parti du pays, reste fidèle à son projet à long terme, c'est-à-dire la scission de la Belgique. Une scission qui serait, selon lui, bénéfique pour les Flamands, mais aussi pour les francophones. Il a jugé le gouvernement actuel de démocratiquement pas juste. En parlant d'Elodie Rupaut, il a déclaré qu'il était le grand chat qui peut désormais jouer avec les souris flamandes qui composent son équipe. Découverte d'un trafic de produits dopants dans une salle de sport à Frameries dans le Hainaut. Lors de perquisitions, les enquêteurs ont saisi des produits interdits ainsi que deux voitures de luxe. 8 personnes, dont 3 femmes, ont été interpellées et entendues. Et 6 clients présents dans la salle de sport à l'arrivée des policiers ont été primés, triés de se soumettre à un contrôle antidopage. Un accord a finalement été trouvé pour la création de 250 cotes étudiants en Wallonie. Tout avait commencé par une première proposition de résolution déposée en mai dernier par le CDH, demandant l'engagement du gouvernement et plus particulièrement de son ministre du Logement, Jean-Marc Nollet, de construire 250 logements. De son côté, l'UMR avait déposé une proposition de décret sur le même sujet, mais il aura fallu des mois pour trouver un accord, notamment suite aux réticences des écolos. Et puis enfin, en sport, en basket, Mons a été éliminé de l'Eurocoupe, battu à l'Alba Merlin 83-63. Il est 7h03 sur Fun Radio. Bienvenue si vous débarquez. Le remboursement des factures, je vous explique comment ça se passe après la météo. Le ciel sera changeant avec des averses à prévoir, parfois hivernales sur les crêtes de l'Ardenne. Le vent sera soutenu avec des rafales allant jusqu'à 80 km/h. Température de 4 à 8 degrés. Demain, toujours des averses, toujours du vent et toujours jusqu'à 8 degrés. Exactement. Et je vous rappelle aussi qu'on vous enverra au ski tout à l'heure si vous voulez aller à Tignes faire la fête pendant la semaine complète de congé entre Noël et Nouvel An. Restez bien sur Fun Radio et inscription au 6322 code neige. On vous envoie là-bas avec le petit studio pour deux personnes toute la semaine, les remontées mécaniques, etc., etc. 6322 code neige. Bonne chance d'abord. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h04, je vous explique comment ça se passe. Les factures, faciles, si vous voulez vous les faire rembourser, il suffit de nous écrire un petit SMS au 6322. Vous le débutez par facture, simplement, comme d'habitude, avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, 60€ pour un déshydrateur pour la Noël. On l'avait appelé celui-là il y a un jour ou deux, hein, je pense, le déshydrateur. Malheureusement, ça n'avait pas décroché, donc il ou elle serait inscrit. 33€ pour la taxe pour la gestion des déchets. 135€ pour les courses de bébé. 150€ pour un compteur à budget. 127€ pour Belgacom. 172€ pour les jouets de Saint-Nicolas et pour la Noël. Qu'est-ce qu'il y a également? 127€ pour Belacom, ça je l'avais déjà lu. Et 4 900€ pour vous, Brutélé. Mais t'as arraché la boîte ou quoi? Mais comment on peut avoir 4 900€ de 20 ans de d'abonnement, vous? Bah 20 ans de retard. Waouh! Je ne sais pas. Truc de dingue. Bon, et 750€ pour un chat. Et donc, t'aurais pu prendre un chat de gouttière. Hein, ça coûte moins cher. C'est énorme pour un chat. Ah oui, mais c'est un chat de race, blablabla. Pour tous les pauvres chats qui sont dans les refuges et qui sont gratuits. Bah ouais, mais du coup, celui-là, il aurait été aussi dans un refuge puisque personne l'aurait pris. Ouais. Comme ça, ouais. Bon, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures dans moins de 3 minutes. Avant cela, il y a l'info en plus. Eh bien, c'est très bien que tu parles de chat parce que je voulais justement en parler. Un chat italien est devenu le troisième animal de compagnie. Ah oui, j'ai entendu ça, mais quel scandale. Le plus riche au monde avec une fortune estimée à plus de 11 millions d'euros. Donc il est riche, immensément riche. Mais parce que vraiment, j'adore les chats, je veux bien m'en occuper. Si jamais personne ne s'en occupe, comme il est seul, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment pour rendre service. Donc, pour raconter la petite histoire, c'est que ce chat, Tomasino, âgé de 4 ans, était en fait à la base un chat errant. Et puis, il a rencontré une vieille dame au détour d'une poubelle à Rome. Eh bien, ça lui a changé radicalement la vie, puisque la maîtresse, sans héritier, eh bien, a choisi de lui léguer toute sa fortune, donc 11 millions d'euros. Et donc, le chat, maintenant, possède de nombreuses propriétés, etc. Donc, il est bien. Mais alors, le problème, c'est que donc, la vieille dame est décédée à l'âge de 94 ans, mais le chat ne peut pas, selon la loi italienne, garder tout cet argent. Hein. Pourtant, il avait prévu d'acheter plein de croquettes et tout, et il est très déçu. J'ai eu au téléphone hier, là. Et donc, les sommes, ça c'est quand même bien, les sommes seront partagées entre différentes associations de défense des animaux. Alors, évidemment, elles sont plusieurs sur les rangs à vouloir empocher le magot. Alors, juste pour terminer la petite histoire, c'est que donc le chat est le troisième chat le plus riche du monde, mais devant lui, il y a quand même un berger allemand qui lui est la première fortune animale mondiale, qui dépasse les 100 millions d'euros. Non, mais c'est une blague. Et puis, juste derrière, il y a un chimpanzé qui est seulement riche de 46 millions d'euros, et puis vient le chat qui a 11 millions d'euros. Donc, c'est le chat le plus riche du monde. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Voilà. Ça peut m'énerver des trucs pareils. Mais ça va, le berger allemand qui a 100 millions d'euros, ça va, tu ah ouais, non, ben là, ça m'énerve. Ben, je veux bien adopter tout le monde. Moi, je veux bien faire un schnil chez moi s'il faut. Hein. C'est pas un problème. Clair, ouais. Avec plaisir. Un berger allemand. Tu m'étonnes. Et ils auront de quoi payer leurs croquettes. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est 7h07 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous appelle pour vous rembourser vos factures. 6322 code facture. Et on écoute Lady Gaga. Tous les matins, Fun Radio. Radio paye vos factures. En cash sur Fun Radio, on vous fait un petit virement là comme ça, donc c'est pas vraiment cash, mais en tout cas on vous le fait directement. Petit virement sur votre compte en banque d'une facture qu'on aura choisie, tirée au sort sur le 6322 parmi tous ceux qui se sont inscrits au 6322 en débutant le message par facture. C'est parti, on y va, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit. Si il ou elle décroche et qu'elle répond bien à la question que je lui pose, c'est-à-dire qui paye vos factures le matin, si elle répond Mickaël ou Fun Radio, ce sera gagné. C'est parti. Je ne sais pas chez qui on va, mais on va pour rembourser 52 euros. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement, non plus. Ça part plutôt mal. Très mal. Trop mal. Enfin, c'est incroyable. Inscrit à 7h07. Il est 7h11. Ça, c'est vraiment dommage. N'est pas disponible actuellement. Oh. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Quel dommage. Raccrochez. Ben oui. Appuyez sur le carré. Non, on va laisser un message et puis on raccrochera après. Merci de votre appel. Mais oui. Allô Nathalie, c'est Mickaël. Tu t'es inscrit à 7h07 pour rembourser 52 euros. Là, je te rappelle et le répondeur, c'est quand même dommage. Bon, du coup, je sais pas ce que c'était 52 euros, mais tu n'avais pas mis pourquoi. Bon, c'est pas très grave. Tant pis, Nathalie, tu retentes ta chance quand tu veux. Quoi qu'il en soit, ça donne une bonne nouvelle aux autres auditeurs, puisque grâce à toi, ils vont pouvoir s'inscrire dès maintenant pour peut-être se faire rembourser leur facture. À 8h10, vous savez, vous connaissez le principe, si quelqu'un ne décroche pas à une heure bien précise, eh bien on ne sélectionne que ceux qui s'inscrivent entre ce moment-là et l'heure suivante, c'est-à-dire entre 7h10 et 8h10, on ne sélectionnera que ceux qui s'inscriront entre 7h10 et 8h10. Voilà, 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. En tout cas, bonne chance à vous. Et puis dommage du coup pour Nathalie. C'est pas grave, on remboursera d'autres factures tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et puis je vous rappelle qu'on cherche toujours, et c'est la dernière fois que je vous le rappelle, la chanson là, qui m'a réveillé ce matin d'ailleurs. Ce n'est pas Paul Simon, Manu. Ce n'est pas Billy Idol non plus. That's what I am. Voilà, si vous avez une idée, c'est deux prénoms. Enfin, son prénom et son nom, en fait, c'est deux prénoms. Voilà, ça vous donne une idée comme ça. Le titre date de 1983, a été repris maintes et maintes fois. C'est Uptown Girl, le titre, justement. Bonne chance tout le monde, il y a des écrans plats ou des home cinéma LG à gagner. 6322 avec la réponse, c'est 1€ le message. Bonne chance. Et dans un instant sur Fun Radio, Tayo Cruz avec Hangover sur Fun Radio. Bonne matinée sur Fun Radio, il est 7h12. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope sur Fun Radio tous les matins, 7h15, 8h15 et 9h15. Évidemment, c'est avec notre ami. Vous êtes là, Doudou? J'ai eu peur ce matin. Ah, mais oui, qu'est-ce qui vous a? Oui. Bah non, mais j'ai lu La Capitale ce matin et dans la rubrique Nécro, je suis tombé sur ça. Le docteur, machin chouette, a la profonde tristesse de vous faire part du décès de Edouard, blablabla, dit Doudou. Je dis merde, ça se trouve, on l'a perdu, cet idiot là, dis donc. Mais vous êtes malade, vous Réunion au crématorium à 10h15, ayez une pensée pour lui. Mais vous êtes malade, mais enfin, vous voulez me porter le mauvais œil, comment ça se passe là? Non, mais c'est vous pas ça. Mais non, c'est pas le problème, c'est juste que j'ai vu ça moi après. Bon, allez, on va faire l'horoscope là, non, mais ouais, ça ouais, va bon, pas dans votre tête, non, mais faut que j'aille allumer des sièges moi là, ça va pas du tout, hein, ouais. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Pour une fois que c'est lui qui veut faire l'horoscope, profitons-en. Les béliers. Alors les béliers, vos chances financières professionnelles ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, tiens. Les taureaux. Vos supérieurs sont impressionnés par vos connaissances et vos compétences. Les Gémeaux. Certains jours, les choses ne vont pas comme on le veut. Ne vous emportez pas, ça ne s'arrangera pas pour autant. Les Cancers. Vérifiez vos dépenses et réglez tout ce qui n'a pas encore été fait. Les Lions. Une escapade amoureuse pourrait avoir des conséquences sur votre santé. Les Vierges. Et oui, ne faites pas l'amour dehors, il fait froid. Oui, bah oui, c'est mieux. Plus vous êtes satisfait, plus vous vous sentirez bien. Les Balances. N'ayez pas peur des changements qui s'annoncent et réagissez avec souplesse à ces challenges. Les Scorpions. Attention, vos soi-disant bonnes idées financières. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Eh oui, les Sagittaires. Vous avez tendance à exagérer. Pensez à être un peu plus raisonnable. Les Capricornes. Agissez plus habilement et gardez votre sang-froid. Les Verseaux. Une telle joie de vivre, vous ne l'aviez plus connue depuis longtemps. Alors savourez-la. Les Poissons pour terminer. Vous êtes aujourd'hui sujet à la nervosité et cela va peser sur votre entourage. Bon, très bien. Merci Doudou, on vous retrouve. On vous retrouve tout à l'heure en pleine forme. Mais oui, je suis là, tout va bien. Je vais aller allumer des sièges, tout ça. Conjurer votre mauvais sort, là, comme vous essayez de me jeter, le disque est dit encore une fois. Mais arrêtez un peu, là. Enfin, bon, allez, dans un instant, on va parler de Pascal le grand frère qui était sur AB3 hier soir. On s'est bien marré encore. Et puis, on va écouter le son de Rihanna maintenant. C'est You the One sur Fun. 7h22 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Et oui, nous sommes en direct ce matin, il y aura Laurent Wery tout à l'heure avec Hey Hey Hey et peut-être le son de Soprano. Ce qui veut dire que si vous entendez le son de Soprano et que vous n'avez pas vos places pour le concert de Soprano qui aura lieu après-demain à l'ancienne Belgique, eh bien ce n'est pas compliqué, il suffit de nous envoyer un petit message au 6322, débutez votre message par Soprano et puis on vous appellera peut-être pour vous offrir vos places pour le concert de Soprano, vos deux places. Parce que j'ai vu un SMS qui demandait combien de places c'était. Bah c'est deux places, on n'est pas des enfoirés, on va pas vous offrir qu'une seule place quand même. Bon, nous allons prendre maintenant Sandrine qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Comment ça va Sandrine? Ça va, ça va. Bon, eh bien, bienvenue à toi Sandrine. Merci. Alors t'appelles de Couillé, toi tu as 33 ans? C'est ça, oui. Très bien, et tu as la réponse toi, a priori, qui chante ça? Billy Joel. Eh oui, c'est Billy Joel, avec Uptown Girl. Oh, on a eu pas mal de mauvaises réponses qui sont passées, cela dit. Hein. On proposait même Cliff Richards. Ah ouais, c'est sympa que les gens savaient ce que ça existait. Je dois dire que mon mari m'a un petit peu aidé. Ah d'accord, il y avait Lionel Richie aussi. Non, c'est pas ça, hein. C'était pas ça. Bon, ben, bonne réponse Sandrine, bravo à toi. Billy Joel, tu vas rester au standard. On prend tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau rapidement, d'accord? Merci beaucoup. Je t'en prie, je te fais des bisous Sandrine, à bientôt. Bonne journée, bisous, bisous. Mais oui, bonne fin de journée, bon. Quand même, tout de même Sandrine, je sais que tu es pressée à la fin de la journée, mais tout de même. Bon, gros bisous Sandrine. Oui. Merci, bisous, au revoir. À bientôt, ciao à toi. Et puis bon bah voilà, ça y est, c'était plié ça. Billy Joel, c'est ce qui m'a réveillé ce matin. Et c'était, oui, c'était pas forcément facile, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Bon, et hier soir, je vous en parlais sur AB3, il y avait une rediff de Pascal le grand frère. Et j'avais oublié combien c'était bon. C'est vraiment dommage hein, que TF1 diffuse plus de nouveaux épisodes là. Bon, le principe de Pascal le grand frère, c'était une famille où, d'aller dans une famille où évidemment tout se passe bien. Je pensais pas que ça l'avait marqué à ce point-là. C'est pas que ça l'a marqué, ça l'a détruite. Ouais, bah, je pensais pas elle que ça a été détruite. Ouais, bah yon, c'est vieux. Hein. Oui, bah yon, bah yon. Bah, je dirais même que tout va très très bien même. T'étais où cette nuit? Dans ma voiture. Tu te rends compte que ça fait bientôt un an que tu nous fais subir ces choses-là? Tu rentres, tu sors, tu pars, on sait jamais quand tu reviens. T'es en villégiature, tu nous prends pour qui? C'est un hôtel-restaurant, on rentre quand on veut, on sort quand on veut. J'ai même pas les clés d'ici. Tu sais très bien, Priscilla, à chaque fois que tu as des clés et qu'on n'est pas là, il y a des choses qui disparaissent. Et en plus, la fille est une voleuse. Ah, super. Oh, la pauvre. Oui, mais j'ai pas les clés de la maison. C'est normal, tu voles quand, y a pas, quand tu as les clés. Tu fais venir tes potes, tu revends la maison. Imagine, t'as un enfant comme ça, mais oh, c'est mais super dur à gérer pour c'est les parents. Clair. Quoi. Bah ouais, ils galèrent d'ailleurs, ils appellent Pascal le grand frère, justement. Ouais, voilà, heureusement que Pascal. Mais non, Pascal n'est plus là. Bah oui. Enfin, il fut là. Et donc c'est une famille où on sait se dire des mots tendres, justement. Et en plus, une feignasse parce que tu n'as pas envie de travailler, donc tu vis sur tes lauriers. Ouais, j'ai une feignasse, hein, sale feignasse, qu'est-ce que tu fous là? C'est ça qui est bon. Ma chérie, viens, j'ai un truc à te dire. Feignasse! Mais oui, sale feignasse. Bon, et bien évidemment, donc comme dans toutes les bonnes émissions de TF1, on revisite la langue française. Les gens croient que je suis pas capable. Ouais, bah c'est oui, mais en tout cas, pas capable de parler, hein. Ça, ouais. De ce côté-là, je le pense français, qu'ils sont. Par contre, c'est sûr. Je pense qu'ils croivent bien, les gens. Oui. Ils croivent plutôt bien, effectivement. Oh, en tout cas, mais que fait TF1? Il faut faire quelque chose. Je propose que nous fassions une manifestation. Voilà. Demandons le retour de Pascal. Ben oui, et je pense qu'il y a des familles qui ont besoin de Pascal le grand frère. Il faut. Mais il n'y a pas que les familles, nous aussi. Ben nous aussi, on a besoin de Pascal le grand frère. Pour le retour de Pascal le grand frère sur TF1. Bon, heureusement, pour l'OB, on en a besoin pour l'OB. Oui, pour l'OB. Ça va. Ouais, c'est vrai. Bon, heureusement, AB3 est là pour diffuser les vieux oui, Pascal les le grand frère. Merci encore une fois, AB3. Bon, il est 7h26 sur Fun Radio. Bon réveil. Dans un petit instant, petite devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats, vos home cinéma LG ou même vos lecteurs MP3 ou encore caméra vidéo numérique. Je vous annoncerai dans quelques instants cette nouvelle devinette qui colle. Et puis là, on va s'écouter. Ah, le son Soprano. Justement, c'est Regarde-moi maintenant sur Fun. Et vous le savez, dès qu'il y a un son de Soprano qui passe, 6322, code Soprano pour gagner les places de concert. Le son de Soprano à l'instant sur Fun Radio. Soprano qui sera en concert, justement. C'est avec Fun Radio que ça se passe et c'est après-demain. Concert sold out. Donc il n'y a plus aucune place sauf sur Fun toute la semaine. On vous les file jusqu'au 16 décembre, en l'occurrence, jour du concert. Et dès que vous entendez le son de Soprano, il faut faire le 6322 en débutant le message par Soprano. C'est 1 € le message. Et puis on vous appelle en direct pour vous offrir vos places justement. Il y en a Gary qui est avec nous. Salut Gary. Salut. Oh, ce... Gary. Oui. Gary. Gary. Gary, tu n'es pas une fille? Tu n'es pas un garçon? Gary fille. Oui, en fait, c'est sa copine. Ah, d'accord, ok. Non, parce que je dis, hey, on a Gary qui est avec nous, ça va Gary? Je m'attendais à voir, oui, ça va et toi? Ouais, non, pas du tout. Bon, comment tu t'appelles du coup, toi? Moi, c'est Mélissa. Eh ben, c'est perdu. Mélissa, c'est ça. Ah ouais, malheureusement, ça rentre pas dans la case, hein. Je suis désolé. Bon, il n'y a pas de problème. Mélissa, on va te filer tes deux places pour aller au concert de Soprano. Et bah, tu vas avec la personne que tu veux, hein, évidemment. Hein. D'accord, bah j'irai avec mon copain logiquement. Bah si tu veux, hein, sauf que si. Lui a gagné les places. Oui, sauf si d'ici là c'est terminé, parce que nous on va prendre tes coordonnées. Donc après, lui évidemment, il n'aura aucune légitimité pour récupérer les places, on ne sait jamais. Profite-en bien. C'est clair. Bon, je te fais des bisous en tout cas. Reste avec nous, reste fidèle à Fun et puis reste au standard. Surtout, on prend tes coordonnées pour t'envoyer le tout gratos. D'accord ? Ok, merci beaucoup. Salut, salut, gros bisous et bonne journée. Vous voyez, merci. Service rapide, hein, service on ne peut plus rapide. Dans un instant, la nouvelle devinette qui colle. Bah je peux la faire maintenant, tiens. D'amour, c'est une tome. Ou une friandise, on y tombe parfois suite à une forte émotion, qualifie souvent un être niais ou crédule. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, Steve Jobs en faisait partie. Ouais. Ah oui, c'est lui qui a tout créé à ce niveau-là. D'ailleurs, il y avait un bon reportage sur Arte hier soir. D'amour, c'est une tomate ou une friandise, on y tombe parfois suite à une forte émotion, qualifie souvent un être niais ou crédule. Qui est-elle? C'est un fruit également que nous cherchons, bien entendu. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a pas mal de cadeaux ce matin à vous faire gagner, puisque c'est Noël avant l'heure sur Fun. On vous offre vos home cinéma LG. Il y a des écrans plats également, si vous avez la bonne réponse. Ou encore des lecteurs MP3 ou des caméras vidéo numériques. Bonne chance. Dans un instant, c'est Laurent Wery sur Fun Radio avec Hey, Hey, Hey. Et avant ça, à 7h30, c'est l'heure de faire un tour du côté de l'actu avec Julie. Bonjour à tous. Liège a connu l'horreur. L'attaque mortelle de Nordine Amrani a finalement tué 5 personnes à l'aide de grenades et d'une arme automatique. Gabriel, un bébé de 17 mois, succombait à ses blessures hier. Il avait été touché à la tête. Certains des 123 blessés sont toujours entre la vie et la mort. Et cela aurait pu être pire. Nordine Amrani avait encore sur lui 9 chargeurs remplis de balles, d'après des proches de l'enquête. Il était connu de la justice. Il avait été condamné en 2008 à 5 ans de prison pour des faits de drogue, des faits d'armes et de mœurs. Mais il avait été libéré sous condition en octobre 2010. Et selon les quotidiens du groupe Sud Presse, l'auteur a tué une femme chez lui avant son attaque place Saint-Lambert. Les policiers ont découvert le corps d'une femme lors de la perquisition menée hier à son domicile. Il s'agit d'une femme de ménage âgée de 45 ans. Hier matin, Nordine Amrani l'a attirée chez lui sous prétexte de lui fournir du travail. Il l'aurait ensuite agressé et tué. Et puis la veille des faits, Amrani aurait versé une somme d'argent sur le compte de sa compagne avec la mention « Je t'aime mon amour, bonne chance », ce qui laisse à penser que son acte terrible était prémédité. Dans le reste de l'actualité, Bart De Wever était hier soir l'invité du grand direct sur le plateau de RTL TVI. Le président de la NVA, le premier parti du pays, reste fidèle à son projet à long terme, la scission de la Belgique. Une scission qui serait selon lui bénéfique pour les Flamands, mais aussi pour les francophones. Il a jugé le gouvernement actuel de démocratiquement inacceptable. En parlant d'Elio Di Rupo, il a déclaré qu'il était le grand chat qui peut désormais jouer avec les souris flamandes qui composent son équipe. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État belge pour avoir détenu pendant 4 mois 3 demandeurs d'asile mineurs avec leur mère au centre fermé de Sénokerzeel. La mère et les 3 enfants sont arrivés en Belgique en janvier 2009 en provenance du Sri Lanka. Ils ont immédiatement fait une demande d'asile acceptée après 2 tentatives en septembre 2009. Mais la mère et ses enfants ont résidé au centre fermé 127 bis jusqu'en avril dernier. La décision rendue par la Cour prévoit un dédommagement de plus de 50 000 euros pour la famille. Un accord a finalement été trouvé pour la création de 250 cotes étudiants en Wallonie. Tout avait commencé par une première proposition de résolution déposée en mars dernier par le CDH, demandant l'engagement du gouvernement et plus particulièrement de son ministre du Logement, Jean-Marc Nollet, de construire 250 logements. Mais il aura fallu des mois pour trouver un accord, notamment suite aux réticences des colos. Et puis enfin, en sport, en basket, Mons a été éliminé de l'Euro Coupe battue à l'Alba Berlin, 83-63. 7h33 sur Fun Radio et bonne matinée. Dans un instant, c'est Laurent Wery avec Hey Hey Hey. Et puis bah, la météo maintenant, cette magnifique météo. Alors il faut s'imaginer au mois de juin, Julie, ouais, qui va dire oh oui, le soleil va briller toute la journée, les températures, oui, caniculaires arriveront jusqu'à 29, 30, 31, oui, degrés, oui, dans certaines régions de Belgique. sera changeant avec des averses à prévoir. T'as parfois vu, tu t'es chiant, tu vois, t'aurais pu dire c'est vrai, tu as raison, allez hop, mais non. Le vent sera soutenu avec des rafales allant jusqu'à 80 km/h. Les températures ne dépasseront pas 4 à 8 degrés. Toujours des averses demain, toujours du vent et toujours jusqu'à 8 degrés. Et toujours ce soleil qui va briller, cette température caniculaire, on n'en peut plus. Le soleil est dans ta tête, on n'en peut plus, il y a tellement de chaleur, il n'y a plus assez d'eau, nous allons tous mourir. Bon, au final, on part dans un truc un peu glauque quand même, malgré tout. Ouais, 7h34 sur Fun. Tu pars dans un truc assez glauque. C'est vrai, c'est vrai. Quelle est l'info en plus ? Bonne nouvelle pour nous les filles, en tout cas celles qui portent des talons régulièrement. Eh bien, je ne sais pas si tu as déjà été à Rome, l'Aube. Je sais que Mickaël a déjà été. L'Aube, mais oui, là, les seuls endroits où il va avec ses meufs, c'est pour les foules sur le trottoir. En Sardaigne. Enfin, papa, les déposer sur le trottoir. Il aurait très bien pu, mais pourquoi tu te moques ? Il aurait très bien pu aller à Rome. Lui, romantique ? Mais pourquoi est-ce qu'il serait absolument romantique pour aller à Rome? Peut-être que c'est pour les pâtes. Ah, pour aller bouffer des pâtes. Bah pourquoi pas. Ouais. Non, parce que les d'autres endroits romantiques, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Le parking. Ouais, voilà, ouais, ça n'est pas. C'est romantique, attends. Merci, on est vraiment personne pour relever le niveau ici. Bon, et quel est le problème à Rome alors du coup? Bonne nouvelle pour les filles maintenant, on va se parler juste les filles et moi. Et bien dis donc, si on est trop, vous le dites. Les rues en pavé de Rome, et bien je sais, c'était la galère pour vos talons, mais ça va changer. Le maire de la capitale italienne vient d'annoncer que l'une des rues centrales de Rome, la célèbre Via del Corso, pour ceux qui connaissent un peu, eh bien cette rue va être repavée. Pourquoi ? Eh bien, le maire l'a annoncé, ce sera moins dangereux pour les femmes en talons. Donc les trottoirs et les routes vont être lissés et donc plus d'entorses à venir, plus de pieds cassés, vous allez pouvoir marcher avec vos talons sans aucun problème. Après, c'est une bonne nouvelle pour les filles qui en plus sont à Rome relativement souvent quand même. Oui. Voilà, parce que bon. Oui, ça c'est sûr, il faut pouvoir. Mais même si tu y vas comme ça une fois de temps en temps, maintenant, oui, sache. Oui. Mais rien que de savoir que le maire pense aux femmes, aux filles à talons, c'est quand même assez fou. Bah, c'est normal, c'est un italien, zones... il ne fait que penser aux voilà, femmes. Voilà, exactement, c'est normal. Ça prouve une fois de plus. Et puis d'autres zones de Rome vont être aussi modifiées dans les mois à venir. On parle de la Via del Teatro, la Via Petrosilli, la Piazza Bocca, etc. Eh oui, il faut savoir que Julie était en Italie là il n'y a pas longtemps, donc un peu italienne dans l'âme maintenant. Oui, maintenant, ça y est, je m'en occupe. Oui, c'est pour ça qu'elle parle comme ça, parfois, quand elle fait les infos, elle les fait avec les mains, tu vois. Mais oui, évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ici, mais pourquoi tout ça? Tu vois, alors elle met des mains et des mains et des mains, truc de dingue. Il faut la voir, c'est un sketch. Hein. D'ailleurs, une fois, j'étais un petit peu plus près de Julie parce que je regardais sous son ordinateur. Ah, il a pris une patate. Et elle m'a mis une patate. Un truc de dingue, vous imaginez. Elle est dangereuse. Mentir, c'est mal. Même notre stagiaire là, elle est violente. Ah, elle est très violente. Elle est très violente. Il est déjà dans ce regard. Mais il a déjà un verre. Il va tout de suite se calmer. Mais il a déjà un verre de lunettes cassé, le malheureux là. En plus, elle croise les bras là comme ça, on va s'en prendre. C'est ça. Bon, tiens, il y a un message qui est arrivé. Je vous écoute tous les matins. Ça motive pour la journée. C'est gentil. Il avait bien répondu à la devinette qui colle en plus. Je vous écoute tous les jours. Ça fait des mois que je joue et j'aimerais bien gagner une fois. Mais ça va arriver. T'inquiète pas. En tout cas, tu vois, ton message est bien arrivé. Et puis, un message aussi qui. C'est Samuel de Charleroi qui disait que ça motivait pour la journée. C'est gentil. Merci à vous, en tout cas, pour tous vos messages. Je vous rappelle la devinette qui colle dans un instant. Et Laurent Wery, maintenant, c'est Hey, Hey, Hey sur Fun. Laurent Wery sur Fun Radio, 7h39, c'est Licky Lee qui arrive dans un instant et un message qui dit attention, accident avant la sortie Moucron. Oui, mais on ne sait pas sur quelle route malheureusement, donc si tu pouvais nous préciser un petit peu plus, ce serait cool. Il n'est pas de la famille de Berlusconi, italien là, pour penser autant aux femmes, big up. Oui, peut-être, oui, le maire italien là qui veut refaire toutes les routes. Peut-être que c'est de la famille de Silvio, on ne sait pas. C'est possible. Oui, c'est pas impossible, effectivement. Nous aurons Bardo Weaver en interview exclusive radio, ce sera dans quelques instants sur Fun Radio. Vous savez qu'il était hier sur RTL TVI, grand débat avec notre ami Bart, bien entendu. Nous l'aurons, donc c'était sous pression évidemment, car la télévision, tout le monde le regardait, il avait un peu le stress quoi, donc on l'aura de manière un peu plus intimiste tout à l'heure avec nous sur Fun Radio pour une interview exclusive aujourd'hui, radiophonique en tout cas. Je vous rappelle la devinette qui colle, qui est relativement simple je pense, écoutez bien, d'amour, c'est une tomate ou une friandise, on y tombe parfois suite à une forte émotion, qualifie souvent un être nié ou crédule. Qui est-elle ? C'est un fruit. En général, elles peuvent être rouges, vertes, jaunes également. Ouais, c'est ça, à peu près. Et puis voilà, c'était quand on y pense, on ne peut penser qu'à Steve Jobs, le créateur d'une grande marque. Tout à fait. Que je ne vais pas citer, bien évidemment, non pas parce que je ne dois pas citer de marque, mais simplement parce que ça donne forcément une partie de la réponse dans une langue étrangère. La bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats à gagner, des home cinéma LG, ou encore des lecteurs MP3 ou des caméras vidéo numériques. Donc je vous souhaite effectivement bonne chance. Je vous signale aussi que si vous êtes au Grand-Duché du Luxembourg, eh bien vous pouvez jouer en envoyant votre message au 621 783 605 621 783 605. 65. Et puis pour toute la Belgique, au 63-22. 1 euro le message, bonne chance. Je vous l'avais promis, ça va arriver. Le son de Liquidy sur Fun Radio, ce sera I Follow Rivers dans un instant sur Fun Radio. Et si vous voulez partir au ski, écoutez bien ce qui suit. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Ah, message pour toi. Alors, restez ici. Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Et un message qui dit pour info, l'accident sur Moucron, c'est sur la E403, sortie 2, direction Tournai ou Bruges. Si l'auditeur qui a envoyé le message pourrait préciser. Salut à l'équipe de Fun. Et puis Tony de Charleroi qui dit je vous déteste tous les matins pour votre bonne humeur, mais grâce à vous, la journée commence bien. Ouais, on est de bonne humeur à l'antenne parce que sinon on s'insulte, faut le savoir. Ah oui, non, mais c'est l'horreur. Hors antenne, c'est à peine si on se parle. Hein. Mais non, mais si on se parle, mais on peut pas trop parler non plus parce que sinon elle nous frappe. Donc, ouais, c'est ça. On ne peut que répondre quand elle nous parle, c'est tout. Bande d'opprimés. Ben oui, et tout en plus. Exactement, bien tu as tout dit. Ça dans tes fantasmes, là. C'est ça. Non, justement. Bon, très très mal avec. Quelle est l'info trafic ? Véhicule en panne sur le 40 Bruxelles en direction de Ostende à hauteur de Drongen. C'est la bande de gauche qui est obstruée au kilomètre 52. Et puis accident sur le 40 Gand en direction de Bruxelles à hauteur de Ternat. Deuxième bande qui est obstruée au kilomètre 3. Accident sur la 17 à hauteur de Saint-Léger en direction de Courtrai. Bande de gauche obstruée, circulation fortement ralentie. C'était kilomètre 13. Et puis enfin, travaux routiers sur le 19 en Verse en direction de Bruxelles à hauteur de Mechelen Nord. L'accès est fermé, soyez prudents. Très bien, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, eh bien vous nous le signalez, n'hésitez pas, bien évidemment, vous nous faites un petit SMS au 3044. Et puis dans moins d'une heure sur Fun Radio, nous allons jouer à ce magnifique jeu que toutes les radios veulent nous voler, évidemment le Frit Code Game. Voilà, ça arrivera dans quelques instants sur Fun Radio. Et Liquidy d'abord. Liquidy sur Fun Radio à l'instant avec I Follow Rivers et c'est l'heure maintenant de la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est tous les matins sur Fun Radio avec les meilleurs messages de relou bien évidemment, qui ont laissé leur message sans le savoir sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est le 0-473-86-00-13. Écoutons maintenant le premier message. Salut Johanna, c'est Christopher. Juste un petit message pour dire que je voulais te reprendre que ça va. Et voilà. Que ça va bien. Ouais, bon, pas méchant, mais comment que ça va ? Ouais, comment que ça va, tu vois, c'est effectivement tout de suite beau. C'est moins sexy, quoi. Ouais, c'est limite. Deuxième message. Tu sais, je t'appelle, décroche, s'il te plaît, merci. Ouais. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. Ah non, alors, c'est trop tard maintenant. L'alcool, c'est mauvais aussi pour la santé. Il a pas bu, il est tombé dans la bouteille. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que le mec, déjà, il s'excuse pour tout ce qu'il a fait, alors que, bon, s'il est sur la ligne anti-relou, c'est qu'il a vu la meuf une fois, normalement, hein, tu vois, une ou deux fois. Donc, si déjà en une ou deux fois, il a déjà fait des trucs pour lesquels il s'excuse, c'est pas gagné. Hein. C'est mal parti. Vraiment pas gagné. Et enfin, dernier message. C'est Jean-Paul, m'as laissé ton numéro, donc je te rappelle, il n'y a aucun souci. Vu ce qu'on a fait autrefois, je serais intéressé pour commencer. En plus, tu baisses bien. Rappelle-moi tout de suite. Tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Hein, si en plus, tout est pratique. Oui, bah oui. Si tout marche bien, tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, bah voilà, retour de la ligne anti-relou, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio. On jouera également au Free Code Game, bien entendu. Vous le savez, depuis hier, on joue à ça. Et puis, on va s'écouter le son de Kate DeLuna et Fatman Scoop. C'est Drop It Low, sans oublier l'interview exclusive de Bart de Weaver avant 9h sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Kate DeLuna. Le matin, quand je me réveille, je ne couche jamais. Mickaël à la radio. Mickaël. À la radio. Fun Radio. Ça y est, on se fait encore frapper dans le studio là par Julie. Elle est dingue, il faut l'enfermer cette meuf. Elle a un problème, elle nous frappe. Tu fais plus attention à elle, c'est pour ça. Mais ça n'a rien à voir. Attends, excuse-moi, tu me balances une info et j'en parle depuis 6h30. Alors, excuse-moi, j'ai fait un flash à 6h30. 7h, ah bon, 7h30, ça fait 3 fois que je te parle de l'info que tu viens de me donner. Donc à un moment donné, hein. Attends, je comprends pas, mais vous êtes qui? Ah, c'est pour les infos. C'est vrai. De toute façon, tout ce que je fais, c'est pour les auditeurs, c'est les seuls qui sont gentils. Bah voilà, quoi. Exactement. Mais t'as bien raison. Envoyez vos messages d'amour à Julie. On écoutera Mike Posner dans un instant avec Looks Like Sex. Et puis nous allons appeler des gens maintenant pour voir justement. Bah ça tombe bien avec sexe, puisque apparemment les gens planifient leur rapport sexuel. Ouais. Et c'est quand même c'est assez impressionnant puisque ça monte même jusqu'à 45% chez les Américains. Quand même. Ah ouais, ouais, donc ça veut dire planification, c'est-à-dire que bon bah tous les vendredis à 22h, hop là, on passe sous la couette. Ouais, c'est ça, avant il y avait le porno de BTV, mais bon, maintenant. Bah maintenant c'est terminé, hein. Maintenant c'est devenu trop cher surtout. Bah c'est ça, et puis le cryptage est plus aussi facile qu'avant. Hein, ouais. Bon, on avait appelé à Chapelle-les-Herlemont où la dame nous avait dit d'aller nous faire voir, hein, pour être poli. Tout là, on va, fait. On va appeler très, à Smeud. Très déçu. On va appeler à Smeud. Allons à Smeud. Je ne sais absolument pas où ça se trouve, mais appelons à Smeud. Je crois que c'est dans la région de Liban. Ah d'accord, ok. Bon, on y va, c'est parti, on appelle. Eh ben, très bien, alors c'est parti. Je rappellerai la vinette qui colle dans quelques instants aussi. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous planifiez vos rapports sexuels. Attendez, un instant. Oui. Oui, voilà. Donc en fait, il y a 35% des gens qui planifient leurs rapports sexuels. Et moi, je voulais savoir si vous aussi vous aviez planifié. Mais je ne comprends pas bien, monsieur. Oui, ben en fait, je veux savoir, est-ce que vous planifiez les moments câlins sous la couette? Je ne comprends. Attendez. Oui, branchez le sonotone, ça ira mieux. Oui. Voilà. Oui. Essayez de reparler, autrement je ne comprends pas ce que vous dites. Voilà. Alors, je vais parler lentement, d'accord? Mais vous, maintenant, oui. Bien. Je voulais savoir si vous aviez un planning pour faire l'amour. Oh non, ni plus à mon âge, monsieur. Non, ça n'existe plus, merci. Oui, fallait s'y attendre avec le son de en même temps. Hein. Oh, bah, elle était cool, mamie, là. Elle était bon esprit, mais ouais, elle a bien fait marrer, en tout cas. Ouais. Ouais, bon, on va pas la rappeler, hein, la mais pauvre. Mais oui, elle est trop mignonne. Mais oui, elle était mignonne. Bon, 7h57 sur Fun Radio, on rappellera d'autres personnes tout à l'heure, évidemment. Ouais, puis, de toute façon, elle planifie plus rien, donc ça sert à rien de rappeler. C'est vrai. Et si vous avez d'autres numéros à nous envoyer, n'hésitez pas, bien évidemment. 7h57, si on écoute le nouveau Mike Posner sur Fun Radio, Looks Like Sex, maintenant sur Fun. Bonne matinée avec nous. Mike Posner à l'instant, c'était le nouveau Looks Like Sex. Tiens, il y a un message qui est arrivé qui dit Mickaël, bonjour à tous, arrête de faire chier Julie. Oh, mais enfin bon, oui. Vous voyez pas la différence, que vous voyez pas ce qui se passe. Et un autre message, Julie, je t'adore, moi aussi je vous adore. Oh, blablabla. Vous savez que je suis persécutée, mais vous savez qu'il ment. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh là là, vous êtes dur, vous êtes super dur. Ouais, ça c'est clair, avec moi surtout. Hein. Bon, alors, la devinette qui colle, c'est tous les matins sur Fun Radio, je vous pose la petite question, si vous avez la bonne réponse. Vous repartez avec des cadeaux, écran plat, home cinéma LG, il y a également des caméras vidéo numériques ou des lecteurs MP3. Écoutez-la bien la question. D'amour, c'est une tomate ou une friandise? On y tombe parfois suite à une forte émotion. On peut tomber dans les... Voilà. Et qualifie souvent un être niais ou crédule. Voilà, t'es une belle... Enfin bon. Si vous avez la bonne réponse, on peut penser à Steve Jobs également qui avait lancé cette marque qui veut dire le mot qu'on cherche évidemment. Elle peut être golden également. Voilà, qu'est-ce que d'autre... Oui, je pense que c'est tout. Peut-être golden. Pink lady. Pink lady, exactement, oui, tout à fait. Ça peut être un jus, pas d'orange, mais... Voilà, donc c'est un fruit en l'occurrence. 63-22, si vous avez la bonne réponse, bonne chance tout le monde. Dans un instant, le Cobra Starship, on va écouter ça. Hein. Et je rembourserai vos factures aussi dans un instant au 63-22, code facture. Restez bien fidèles à Fun, on va vous rembourser vos factures dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. On est en retard, 8h02 sur Fun, c'est l'actu avec Julie. Bonjour à tous, Liège a connu l'horreur, l'attaque mortelle de Nordine Amrani à l'aide de grenades et d'une arme automatique a finalement coûté la vie à 5 personnes. Gabriel, un bébé de 17 mois, a succombé à ses blessures hier, il avait été touché à la tête. Certains des 123 blessés sont toujours entre la vie et la mort et cela aurait pu être pire. Nordine Amrani avait encore sur lui 9 chargeurs remplis de balles d'après des proches de l'enquête. Il était connu de la justice. Il avait été condamné en 2008 à 5 ans de prison pour des faits de drogue, des faits d'armes et de mœurs. Mais il avait été libéré sous condition en octobre 2010. Selon les quotidiens du groupe Sud Presse, l'auteur a tué une femme chez lui avant son attaque place Saint-Lambert. Les policiers ont découvert le corps d'une femme lors de la perquisition menée à son domicile hier. Il s'agit d'une femme de ménage âgée de 45 ans. Hier matin, Nordine Amrani l'a attirée chez lui sous prétexte de lui fournir du travail. Il l'aurait ensuite agressé et tué. Et puis, la veille des faits, il aurait versé une somme d'argent sur le compte de sa compagne avec la mention « Je t'aime, mon amour, bonne chance », ce qui laisse à penser que son terrible acte était prémédité. Une marche blanche en l'honneur des victimes sera organisée ce samedi 17 décembre. Elle partira à 13h de la place Saint-Lambert, lieu du drame. La ville de Liège observera une minute de silence à la mi-journée en hommage aux quatre victimes. Et à 9h30, un hommage sera également observé au Parlement wallon. Enfin, le Sporting d'Anderlecht qui accueille le Lokomotiv Moscou dans le cadre de l'Europa League observera également une minute de silence et ils porteront un brassard noir en mémoire des victimes. Les joueurs du Standard qui joueront jeudi à Copenhague feront de même. Dans le reste de l'actualité, Bart De Wever était hier soir l'invité du grand direct sur le plateau de RTL TVI. Le président de la NVA reste fidèle à son projet à long terme, c'est-à-dire la scission de la Belgique. Une scission qui serait, selon lui, bénéfique pour tous les Flamands, mais aussi les francophones. Il a jugé le gouvernement actuel démocratiquement inacceptable et il a déclaré qu'Elodie Rupo était le grand chat qui peut désormais jouer avec les souris flamandes qui composent son équipe. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État belge pour avoir détenu pendant 4 mois 3 demandeurs d'asile mineurs avec leur mère au centre fermé de Steenhuizen. La mère et les 3 enfants sont arrivés en Belgique en janvier 2009 en provenance du Sri Lanka. Ils ont immédiatement fait une demande d'asile acceptée après 2 tentatives en septembre 2009, mais la mère ses enfants à résider en centre fermé jusqu'avril dernier. La décision rendue par la Cour prévoit aussi un dédommagement de plus de 50 000 euros pour la famille. Et puis enfin en France, la nuit dernière, un incendie s'est déclaré dans une maison de retraite de Marseille, causant la mort de 6 pensionnaires décédés par intoxication. 8h04 sur Fun Radio, passons à la météo. Le ciel sera changeant avec des averses à prévoir, parfois hivernales sur la crête de l'Ardenne. Le vent sera soutenu avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Température de 4 à 8 degrés. Tu peux t'arrêter. Merci, voilà. J'attendais ton signal. Demain, toujours des averses, toujours du vent et toujours jusqu'à 8 degrés. Très bien. Et Grégory qui par mail nous signale un radar entre Tournai et Mons, direction Tournai. Merci à toi, Greg, pour l'info. Donc, levez le pied et dans un instant, je vous explique comment vous faire rembourser vos factures. Fun Radio. Fun Radio. Il est 8h06 et je vous rembourse vos factures dans un instant sur Fun Radio. Le concept est simple, comme ça n'a pas décroché à 7h10 tout à l'heure, eh bien on a remis le couvert. C'est-à-dire que nous ne sélectionnerons dans quelques minutes que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10, ce qui veut dire qu'il reste encore un petit peu de place pour vous. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture, comme par exemple 25€ pour une facture des eaux. Il y a également 70,03€ pour le diesel de la voiture, 170€ pour un écran d'ordinateur, l'ancien a pété visiblement, 107€ pour les frais de gardiennage d'enfants, etc., etc. Pour vous inscrire, 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et pour nos amis luxembourgeois, vous faites le 621 783 605. Quelle est l'info en plus, Julie? Eh bien c'est la crise, mais pas pour tout le monde, en tout cas pas pour les chats. Ah non, ça c'est, enfin pas pour tous les chats. Voilà, en tout cas pas pour tous les chats. En fait, un chat italien est devenu le 3e animal de compagnie le plus riche au monde, avec une fortune, accroche-toi Michael, estimée à plus de 11 millions d'euros. L'euro million. Le chat a gagné l'euro million, sans foirer. Pas tout à fait. En fait, Tommasino, c'est son nom, donc ce chat italien. C'est italien. Ah oui, c'est un chat italien. Ah, il y a un bouffeur de pâtes. Je suis un peu vénère contre le chat, là, pour le coup. Immensément riche maintenant, mais il n'a pas toujours eu une vie facile, ce chat, parce qu'en fait, c'était chat errant. Mais pauvre chat. Et au détour d'une poubelle à Rome, il a rencontré une vieille dame qu'il a adoptée. La vieille dame, eh bien, elle est décédée, mais elle a eu la très bonne idée de tout léguer à son chat, donc 11 millions d'euros avec plusieurs propriétés, oui, etc. Mais qu'elle repose tranquille, la vieille dame, je m'occuperai de son chat. Bien, écoute, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ah c'est bon, que c'est la loi italienne ne permet pas de donner de l'argent à un animal de compagnie, ce qu'on peut comprendre parce qu'on verrait mal ce qu'il peut faire avec cet argent. C'est ça. Et donc les sommes vont être partagées entre différentes associations de défense des animaux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, juste pour que tu sois encore un tout petit peu plus dégoûté, donc comme je l'ai dit, c'est le 3e animal de compagnie le plus riche au monde. Donc il y en a 2 devant lui. Alors le premier, c'est un berger allemand qui quand même détient 100 millions d'euros. Hein, pas mal. Oh. Et puis suivi d'un chimpanzé qui lui est seulement riche de 46 millions d'euros. Ah ouais, bah moi je m'occupe par exemple de Lob, qui est un bel animal de compagnie, mais qui malheureusement ne vaut pas plus de 20 euros. Ah oui, c'est ça. Pas grand chose. Et ça, c'est bien dommage. Mais bon. Je vous rembourse vos factures dans un instant sur Fun Radio 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et écoute Cobra Starship tout de suite et Sabi, c'est You Make Me Feel. Mickaël à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Le matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Exactement, Fun Radio paye vos factures tous les matins sur Fun Radio, 7h10, 8h10, 9h10, vous nous envoyez vos messages et puis bah nous on vous régale, hein. Enfin on vous régale, on vous rembourse vos factures. Je sais pas si on va vraiment vous régaler, mais quoi qu'il en soit, c'est une... c'est un repas de Noël par exemple, effectivement, on vous régalera vos factures. Allez, c'est parti, on y va, on va appeler maintenant quelqu'un qui s'est inscrit par SMS pour qu'on lui rembourse sa facture. On y va, nous allons... Bah je sais pas où on va appeler vu que c'est un numéro de GSM qu'on appelle, mais en tout cas, on va essayer. Allez, c'est parti, on va rembourser une facture d'eau SWDE maintenant, là. Encore faut-il que ça décroche, évidemment. Hein. Alors, quelqu'un vient de donner un bon indice, tiens, pour la petite question, là. La petite devinette qui colle. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour, qui paye les factures le matin ? C'est Mickaël sur Fun Radio. Mais oui ! En même temps avec la radio qui va derrière, tu m'aurais répondu. Tu m'aurais répondu autre chose. Je pense que je me serais dit bon, elle est complètement con alors. Non mais là ça va. Tu as gagné ton remboursement de facture. Comment tu t'appelles? Sonia. Sonia, très bien. Tu es dans quelle ville, Sonia? À Carnion. À Carnion. Eh ben écoute, tu nous avais envoyé une petite facture pour l'eau, la SWDE. Donc, eh ben on va te la société wallonne des eaux, hein, pour être précis. Eh bien, on va te rembourser ça. Il y a pas de problème. Tu vas rester au standard. Merci. Avec Sébastien Loeb et puis on te fait un virement dans la journée. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, je te fais des gros bisous. Bonne en tout journée. Cas. Salut Sonia, bonne à bientôt. Journée à tous. Salut au Sonia, revoir. Ciao ciao. Bah voilà, une petite facture qui est remboursée, tiens, pour être de bonne humeur. Si vous aussi, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Tout simplement, on remet le couvert à 9h10 ou alors si vous êtes au Grand-Duché du Luxembourg, 621-783-605. Et il y a un message qui dit: bonjour, pourquoi tu payes les factures du luxe? Bonne journée, c'est Mérina de Charleroi. Bah, parce qu'on nous écoute aussi au Luxembourg, tout simplement, et qu'il faut laisser la chance à tout le monde. Alors c'est vrai qu'effectivement, ils ont peut-être moins besoin, tu vois, enfin certaines personnes, voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, le jeu fonctionne pour tout le monde, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis dans un instant, je vous rappellerai la devinette qui colle et on écoutera aussi le son de Rihanna avec We Found Love. Et nous aurons en exclusivité tout à l'heure l'interview en direct de Bart de Weaver, qui était pas en direct hier soir sur RTL. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'était Rihanna et Jay-Z qui va arriver dans un petit instant avec Kanye West et Mr. Hudson. Ce sera Why I Love You. Et puis plein de messages qui arrivent aussi, tiens, par rapport à la devinette qui colle. Attention, on donnera la réponse dans quelques instants. En même temps que la déclaration express, dans un instant aussi d'ailleurs. D'amour, c'est une tomate ou une friandise. On y tombe parfois suite à une forte émotion. Qualifie souvent un être niais ou crédule. Qui est-elle? Voilà, c'est un fruit. Ça peut être également un jus qu'on peut boire le matin. Ce n'est pas un jus d'orange, hein, c'est l'autre. On va dire ça comme ça. Elle peut être rouge, jaune. Ou même verte, mais même si elle est verte, elle est bonne quand même. Hein. Donc, si vous avez la bonne réponse, et comme un auditeur le disait tout à l'heure, où est-ce qu'il est? Tiens, ben je l'ai perdu. Ah, si, Adam et Ève l'ont croqué. Voilà, c'est Fredo qui avait envoyé le message. Effectivement, c'est un bon indice. Merci, Fredo. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez votre réponse au 6322. C'est 1€ le message. Et vous repartirez peut-être avec votre écran plat, votre home cinéma LG, ou encore les caméras vidéo numériques, ou encore même des lecteurs MP3. Voilà. Et puis pour le Luxembourg, si vous voulez jouer avec nous, c'est au 621-700. 183 605 qu'il faut vous inscrire. Bonne chance tout le monde. Et puis vous le savez, hier soir il y avait Bart de Weaver qui était en interview exclusive sur RTL TVI donc, hein. Et ce grand direct qui pour le coup porte relativement mal son nom puisqu'il n'était pas en direct en l'occurrence. C'est quand même con d'appeler une émission le grand direct quand il n'est pas en direct. Bon, enfin bon, soit. Le grand différé. Bah, ça aurait beaucoup moins d'impact tout de suite quand même. Bon, enfin bon. Et ben Bart de Weaver a décidé d'être avec nous ce matin justement en direct car nous avons décidé d'appeler cette émission le grand direct également et c'est normal puisque c'est en direct. Bart de Weaver qui s'explique en radio ce matin en exclusivité à 8h19. Bart de Wever, merci d'avoir accepté de venir en direct pour cette émission enregistrée hier. De rien, de rien. Alors Bart, est-ce que vous êtes conscient que vous avez foutu le bordel hein, pendant plus de 500 jours quand même? Non, je peux dire, tout est ma faute. Donc vous le reconnaissez? Mais non, mais pas du tout. Alors, vous avez du mal à le reconnaître, hein, mais je vous ai quand même bien eu là. Hein. Non, bien joué, hein. Mais moi je suis pas comme ça. Oui, bon je comprends, c'est pas facile de reconnaître qu'on l'a eu dans l'os, hein Bart? Ouais, c'est ce qu'on dit toujours, mais je pense pas que c'est la vérité. Est-ce que vous pouvez être de mauvaise foi quand même? Ouais, pas du tout. Bon, je crois qu'on ne va pas avancer là-dessus. Hein. Si on parlait un peu de vous, justement, tiens, vous avez bien des petits secrets à nous révéler ce matin. Je pense qu'il n'y a pas de vrais secrets. Hein. On doit simplement dire les choses comme ils sont, je dirais. C'est vrai? Alors, on peut parler de cette aventure que vous avez avec Julie, notre journaliste? C'est pas vrai. Ah, et comment vous envisagez votre relation avec elle? Allez, notre projet, c'est un projet à long terme. Ça veut dire que vous allez vous marier? J'ai des doutes, mais on va bien voir. On va bien voir. Vous ne lui avez pas encore fait votre demande? J'ai dit, je ne vais pas répondre à cette question. Oh, c'est mignon. Vous voulez lui faire une surprise? Voilà. Eh bien, on vous souhaite plein de bonheur et merci, Bart de Wever, d'être venu ce matin en direct dans cette émission enregistrée hier sur Fun Radio. Et ben voilà, donc décidément, tu vas te marier avec tous les hommes politiques. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Dès qu'il y en a un qui passe par là, on invente une histoire avec lui. C'est pas mal. On a inventé. On a posé une question, il a répondu. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Bart? Mon cœur est déjà pris. Ouais. Pourtant, avec un bel homme comme lui. Ah oui, ça, c'est tout à fait mangeant. Ah oui, surtout quand il est venu avec son kawaii jaune. Oh là, il était magnifique. Oh, quel bel homme. Ah, il fait rêver. Hein. Moi-même, ouais. Je serais une femme. Bon, oh là là. Ça, c'est. Oui. Bah est oui. Excitant tout ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, enfin t'as l'air de t'emballer là, Michael. Oh là, mais sur Bart de Wever en plus. Calme-toi. Donc, c'est pas nous qui allons nous marier avec lui. Hein. C'est vrai. Grenouille en plus. Le plus dur ce sera les infos, parce que l'info avec Julie de Wever. Ça va être compliqué. Ouais. Ça c'est quand même plus difficile. Hein. C'est quand même plus dans le difficile. Fun Radio avec l'information. Bon, il est 8h21 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant la réponse à la devinette qui colle et puis la déclaration express avec Sébastien Love. C'est juste après le son de Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson. Why I Love You sur Fun. 8h24 sur Fun Radio, l'info arrive dans un instant avec Julie De Wever, qu'on appellera bientôt De Wever, hein, après qu'elle ait dit oui à. Mais attendez, les gars, vous les connaissez là. Bah, il vient de le dire dans l'interview exclusive qu'on vient d'avoir. Et c'est parce que Bart raconte des choses qu'il faut croire tout ce qu'il dit. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Bon, nous avons parce avec que nous. C'est un politicien que tu dis ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous avons avec nous Pierre qui est là pour la réponse à la devinette qui colle. Salut Pierre. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ben bienvenue à toi, Pierre. Tu as la réponse à la devinette qui colle. Je la répète, au cas où. Devinette qui colle, donc, d'amour, c'est une tomate ou une friandise. On y tombe parfois suite à une forte émotion. Qualifie souvent un être niais ou crédule. Qui est-elle, Pierre? C'est la pomme. Eh ben, c'est la pomme. C'est une bonne réponse. Bravo à toi, Pierre. Tu vas donc pouvoir choisir ton cadeau. Il y a donc des caméras vidéo numériques, il y a le home cinéma LG, il y a également un écran plat ou encore des lecteurs MP3. Tu gères avec l'OBO standard, d'accord, Pierre? D'accord. La bonne journée à toi. Bonne journée. À bientôt Pierre. Salut, salut. Et nous allons prendre Michel, qui est avec nous maintenant. Salut Michel. Allô Michel. Oui, allô. Ah, Michel est là, parfait. Comment va Michel? Ça va bien, ça va. Bon, tant mieux. Michel, t'appelles d'où? De Liège? Ouais. Ah bah j'avais bien deviné, tiens. Bon, Michel, parfait. Sois le bienvenu. On va faire une déclaration express. Tu veux qu'on appelle Béatrice, c'est bien ça? C'est ça, oui. D'accord, et tu veux. C'est quoi? C'est ta femme? C'est ta copine? C'est ton ex-copine? C'est mon ta future? Mon ex-femme. Ah, et tu veux la récupérer? Non, c'est les meubles qui voudraient récupérer. Donc tu veux récupérer ton ex. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui t'a plaqué ou c'est toi? Non, c'est elle, et elle sait pourquoi la même. Voilà. D'accord, bon. Eh ben écoute, on va l'appeler Michel, hein. Tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, et puis nous on dégaine derrière, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, bonne chance à toi, Michel. Merci. Bah je t'en prie, écoute. Si on peut rendre service. Par contre ça ne. Ah voilà. Et si c'est le répondeur, vas-y quand même, hein. Tu dis voilà j'avais un truc à te dire, écoute. Ouais, ça sent le répondeur quand même. Hein. Ne sois pas défaitiste. Non, je suis pas défaitiste. Allô? Ah non. Tu vois? Oui écoute, c'est moi, j'ai un truc à te dire. Oui écoute, c'est moi, j'ai un truc à te dire. Oh yeah, human nature. Ah non merde, attends, elle a raccroché cette mongolienne. Attends, on va la rappeler. Attends. Attends, on recommence. Mais pourquoi elle a raccroché? Elle a peut-être pas envie d'entendre ce qu'il a à lui dire, c'est tout. Bah oui, mais bon. C'est ça. C'est peut-être de ça. Oh, je te jure. Tout lui réexpliquer. Allez, Béatrice. Sinon, lui, ça met. Allô? Allô? Oui, Béatrice. Oui. Béatrice et Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Béatrice. Oui, bah je viens de sortir de ma voiture, j'écoutais Fun Radio. Eh ben, t'as vu un peu, Béatrice, regarde, c'est on t'appelle. Mais c'est pas pour gagner un jeu, hein, Béatrice, c'est parce que Michel avait un truc à te dire, donc s'il te plaît, écoute. Et après, tu peux raccrocher, écoute. Oh, Béa, si je me permets de te chanter ça ce matin. Puis 9 mois, t'as quitté ton homme et il va pas très bien. Ça devait faire bientôt 4 ans. Je t'avais tenu jusqu'au jour de l'an. Et maintenant il est seul comme un gland et il se lave moins souvent. Puis que t'es plus là, Béa, Michel s'en met seul comme un gros rat, rat crevé dans une poubelle. Alors Béa, ah, si tu revenais vers lui, tu verras, rat, il te fera la vaisselle, se rasera les aisselles. Et voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, Béatrice? J'ai pas vraiment bien entendu. Oh, oh, ça valait bien la peine qu'on s'emmerde, tiens. Bon, Béatrice, tu veux pas récupérer Michel? Il va le faire la vaisselle. Non. Non, c'est... non, ça va, je l'ai eu assez longtemps. C'est mort, là. C'est foutu? Béatrice? Oui. C'est fini, là, y a plus moyen de faire marche arrière? Non, oui, bon, je sais bien, je veux bien rester copain, mais voilà. Voilà. Est-ce que c'est votre dernier mot? Bon, bah voilà, Michel, hein, comme ça, t'es au courant maintenant, elle veut bien rester copain, mais plus. Bah voilà. Ah, mais je savais déjà, mais enfin, bon, voilà. Ah bon, qui ne tenterait rien, bah, voilà. Bien joué quand même. Eh bah, bien joué quand même, effectivement. Voilà. Bon, bah salut Michel, salut Béatrice. Salut, à bientôt, gros bisous à vous également. Et on revient dans un instant sur Fun Radio avec l'info de Julie. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Et dans un instant sur Fun Radio, nous jouerons le Frites Code Game. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, 6322, débutez votre message par Frites. On jouera dans un instant, 8h32 sur Fun Radio. Bienvenue, c'est le 14 décembre ce matin et nous allons faire un tour du côté de l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, Liège est sous le choc. L'attaque mortelle de Mnordine Amarani à l'aide de grenades et d'une arme automatique a finalement coûté la vie à 5 personnes. Gabriel, un bébé de 17 mois, a succombé à ses blessures hier soir. Il avait été touché à la tête. Certains des 123 blessés sont toujours entre la vie et la mort. On apprend ce matin que le tueur a tué une femme chez lui avant son attaque, place Saint-Lambert. Les policiers ont découvert le corps d'une femme lors de la perquisition menée hier à son domicile. Il s'agit d'une femme de ménage âgée de 45 ans. Hier matin, Nordine Amrani l'a attirée chez lui sous prétexte de lui fournir du travail. Il l'aurait ensuite agressée et tuée. Nordine Amrani avait 33 ans, il vivait seul, il était connu de la justice, il avait été condamné en 2008 à 5 ans de prison pour culture de cannabis et possession d'armes de guerre dans le cadre d'une association de malfaiteurs, mais il avait été libéré sous condition en octobre 2010. Le matin du drame, il avait été convoqué dans un service de police pour audition. Il ne s'est pas rendu à son rendez-vous. Et puis la veille des faits, Amrani aurait versé une somme d'argent sur le compte de sa compagne avec la mention « Je t'aime mon amour, bonne chance », ce qui laisse à penser que son acte terrible était bien prémédité. La ville de Liège observera une minute de silence à la mi-journée en hommage aux 4 victimes et à 9h30 un hommage sera également observé au Parlement Wallon. Une marche blanche en l'honneur des victimes sera organisée ce samedi 17 décembre. Elle partira à 13h de la place Saint-Lambert, lieu du drame. Et puis enfin, le Sporting d'Anderlecht qui accueille le Lokomotiv Moscou dans le cadre de l'Europa League observera également une minute de silence et ils porteront un brassard noir en mémoire des victimes. Les joueurs du Standard qui joueront demain à Copenhague feront de même. Dans le reste de l'actualité, Bart De Wever était hier soir l'invité du Grand Direct sur le plateau de RTL TVI. Le président de la NVA reste fidèle à son projet à long terme, la scission de la Belgique. Une scission qui serait selon lui bénéfique pour les Flamands mais aussi pour les francophones. Il a jugé le gouvernement actuel de démocratiquement inacceptable. Il a déclaré qu'Elio Di Rupo était le grand chat qui peut désormais jouer avec les souris flamandes qui composent son équipe. À Tournai, un incendie s'est déclaré vers minuit dans un bâtiment. À l'arrivée des pompiers, les occupants de la maison avaient pu s'échapper. Selon les services de secours, une serviette oubliée sur un chauffage électrique serait à l'origine de l'incendie. Le bâtiment a été entièrement détruit. Et puis en France, la nuit dernière, un incendie s'est déclenché dans une maison de retraite de Marseille, causant la mort de 6 pensionnaires décédés par intoxication. Le feu a été maîtrisé et les pompiers ont pris en charge 15 personnes intoxiquées, dont 3 plus grièvement, qui ont été transportées à l'hôpital. 8h34 sur Fun Radio, avant d'écouter Katy Perry avec The One That Got Away, nous allons faire un tour du côté de la météo. Estival. Le ciel sera changeant avec des averses à prévoir. J'ai failli parler d'éclaircies. Parfois, les averses seront hivernales sur les crêtes de l'Ardenne. Le vent sera soutenu jusqu'à 80 km/h. Température de 4 à 8 degrés. Toujours des averses demain. Toujours du vent et toujours jusqu'à 8 degrés. Eh ben, bon courage. 8h35 sur Fun Radio. Dans un instant, nous jouerons donc en exclusivité mondiale avec vous à ce grand jeu qui est le Frit Code Game. Et voilà, si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. Le Frit Code Game, c'est pour gagner plein de cadeaux. C'est maintenant pour les inscriptions, si vous le souhaitez, pour aujourd'hui ou demain par exemple. Vous vous inscrivez au 6322, débutez le message par Frit et on vous appelle d'ici quelques instants. Avant cela, quelle est l'info en plus? J'ai une bonne nouvelle pour nous les filles. Bon, à part que si tu portes des talons, Mickaël, tu es aussi concerné. Mais je ne porte pas de talons. Pas non. Certaine. Oui, on parle beaucoup de vieilles chaussures Nike dégueulasses dans la libre antenne le soir. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça ne me dit rien. Bon, en tout cas, maintenant, pour les filles, les rues sont beaucoup en pavé à Rome. C'est un peu bordélique. C'est un peu bordélique et c'est surtout un petit peu dangereux pour les filles qui portent des talons. Mais maintenant, ça y est, ça va changer. Tenez-vous bien, le maire de la capitale italienne vient d'annoncer que l'une de ses rues principales va être refaite. Les trottoirs et les routes vont être lissés. Parce qu'il a dit lui-même, ce sera moins dangereux pour les femmes à talons. Mais qu'est-ce qu'il est gentil. Donc les Italiens, une fois de plus, prouvent qu'ils pensent aux femmes avant tout. C'est pas comme s'il y avait d'autres choses à régler avec l'argent public. Mais pas du tout, évidemment. Refaisons d'abord les trottoirs et les routes. D'abord l'urgence. Pour que les femmes puissent marcher avec leurs talons sans se fouler le pied. Évidemment. Mais il a raison. Mais oui. Voilà, et c'est une preuve. Cette rue va être refaite, mais il y a aussi d'autres zones de Rome qui vont également être modifiées. D'accord, ok. Quelle bonne nouvelle, tiens. 8h36 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, message qui est arrivé, c'est décevant, je joue tous les jours pour gagner un cadeau de Noël pour mes enfants, mais pas de chance, le Père Noël ne passera pas, bonne journée Mickaël. Bah oui je sais, mais c'est un message qui dit c'est nul, on gagne jamais, c'est lourd. Bah oui, mais bon, j'ai le même problème au loto, si tu veux, quand je joue, je ne gagne jamais, pourtant Dieu sait que je joue. C'est un jeu, si on veut pas perdre, faut pas jouer, c'est aussi simple que ça. Voilà, après, 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais comme dirait le loto. Bah oui. Bien les choses. Allez, on écoute Katy Perry maintenant, The One Got Got Away sur Fun. Dans un instant sur Fun Radio de Wanted avec Glad You Came, il est 8h39, bon réveil tout le monde, nous avons eu tout à l'heure en interview exclusive dans le grand direct, comme RTL, mais ils n'étaient pas en direct, donc voilà. C'était Bart de Weaver donc qui a fait qui a dit quelque chose d'exceptionnel aussi ce matin, il faut le dire, la demande en mariage c'était exceptionnel, c'était beau, c'était magnifique. Oui, c'était émouvant. Mais oui. Moi, ça m'a touché. Mais oui, moi aussi. Message qui est arrivé par SMS au 3044, oh là là, quelle chaleur dans ma camionnette toute la journée sur la route, je comprends pas les gens qui se plaignent du froid, c'est ça. Ralentissement à la sortie, Tournai-Vaux sûrement un accident car la police est sur place. Bisous, c'est Axel, bonne journée à vous. Bonne journée à toi aussi, Axel, évidemment. Et puis plein de messages, où est-ce qu'il est le message, je ne sais plus. Bon bref, on va jouer au jeu dans quelques instants, le jeu du Frit Code bien évidemment, mais avant cela, petit invité mystère, à votre avis, qui a dit ça? Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322, vous repartirez peut-être avec les packs qu'on vous file toute la semaine. Il y a des écrans plats, il y a également des home cinéma LG, des lecteurs MP3 ou encore des caméras vidéo numériques. C'est un vrai mec, de toute façon. Je pense pas être un PD, moi non plus. Bon. Si vous avez la bonne réponse, c'est pas trop compliqué pour le coup. Il est belge, d'ailleurs, il faut le préciser. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message, je vous le remets. C'est un vrai mec, de toute façon. Je pense pas être un PD, moi non plus. Bon. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, bonne chance tout le monde. Et attention, mesdames et messieurs, c'est parti. De Frit Code Game. Et voilà, nous avons pour jouer avec nous au Frit Code Game Stéphane qui est la demande. Salut Stéphane Le Montois. Salut à tous. Comment ça va? Froidement, on va dire. Oui, mais ça va encore. C'est pour ça que t'es venu au Frit Code, t'as réchauffé un peu. Mais oui, mais t'as bien fait d'ailleurs de venir jouer avec nous au Frit Code Game. Bon Stéphane, alors, tu as la radio derrière toi Stéphane? Ouais, mais elle est coupée. Ah d'accord, bon, donc tu l'as pas alors. Très bien. Alors Stéphane, on va jouer au Free Code Game. Le principe est relativement simple. Il y a 4 possibilités de jeu. Le petit paquet, le grand paquet, le Durum ou alors la mitraillette. Si tu prends par exemple le petit paquet, ce sera des questions très très simples mais avec des petits cadeaux. Et si tu vas jusqu'à la mitraillette, c'est des questions beaucoup plus compliquées mais avec un gros cadeau. Style par exemple un écran plat à gagner. C'est normal, il y a plus à manger donc forcément bah, voilà, c'est plus ça. L'estomac. C'est ça, exactement. Donc du coup, qu'est-ce que je te sers? Ouais, je suis gourmand, j'hésite entre le durum et la mitraillette. Ah bon, bah à toi de me dire, hein. Bon, on va tenter la mitraillette. Hein. Tu vas tenter la mitraillette? Ça c'est bon, oui. Beau ça. Oui, ça c'est beau. Courageux. Mais oui, un courageux qui tente la mitraillette et ça fait plaisir. Alors c'est parti, on y va, rentrons dans la friterie. Voilà, avec ce petit bruit de graisse, bien évidemment, qui fait toujours plaisir à 8h42. Alors attention, tu as donc choisi la mitraillette, tu veux repartir avec un gros cadeau. Stéphane, je vais te poser 5 questions. Il faut faire minimum 3 sur 5 pour gagner et il faut répondre le plus vite possible. Limite du tac au tac, d'accord? Ouais. Attention, on y va, première question. Enfin bon. Alors, la apopatodiaphulatophobie, c'est la peur de la constipation ou la peur des mots à la con? Ouais, j'irais les mots à la con. Les mots à la con, c'était la constipation, c'est dommage. Eh ouais. Deuxième question. Melchior, Balthazar et DSK, lequel n'est pas un roi mage? Oh, DSK. Eh oui, DSK, bonne réponse. En moyenne, combien de litres de transpiration produit-on par an? Vite, vite. 370, c'était 350, c'est dommage. T'étais pas loin. De quelle couleur? Ah ouais, bah ouais. De quelle couleur est Tinky Winky dans les Teletubbies? Vite. Mauve. Violet. Oh, c'est dommage. Oh, attends. Je suis pas tout à fait. Bon, allez, d'accord. Ok, c'est bon, je valide. Ça fait deux. Attention, il faut pas perdre maintenant pour gagner, forcément. À quelle heure commence l'émission 7 à 8 sur TF1? Bon, à 7h. À 7h et nous à 18h05, et oui, malheureusement, c'est vraiment dommage. Ah, c'était un piège, effectivement. Ah oui, et oui, et oui. Oh, malheureusement, c'est perdu, Stéphane. Quelle déception. Tu viens de perdre, mais ce n'est pas grave, Stéphane. Tu repars avec une mitraillette. Non, tu repars avec le sourire, du moins, je l'espère. Ouais, bien sûr. Bon, ben tu reviens quand tu veux, en tout cas, Stéphane, d'accord? Le sourire de la friteuse. Je peux juste passer un petit coucou. Allez, vas-y, passe ton petit coucou. Allez. En vitesse, à moi. Allez, vas-y. Je vous écoute tous les matins, qui est conductrice de bus. D'accord. Et je veux lui dire que je l'aime à la folie. Oh, c'est mignon. Trop mignon. Eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. Et que j'attends toujours que l'homme me ressonne. D'accord, il va te ressonner, t'inquiète pas. Bah. D'ailleurs, il va te reprendre en antenne. Salut Stéphane. Salut à tous. À bientôt, c'était The Frit Code Game. Et si vous voulez rejouer, bien évidemment, The Frit Code Game. Dès demain, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 6322. Débutez le message par Frit. Le retour du The Frit Code Game. C'est demain, évidemment, à partir de 8h40. Make you glad you came. Et on est très en retard, mais c'est pas grave. Dans un instant, The Wanted arrive sur Fun Radio avec Glad You Came. Il est 8h44. Bonne matinée. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Fun Radio, bienvenue, il est 8h50, on fait un tour du côté de l'infotrafic, maintenant que se passe-t-il sur les routes? Soyez prudents, on nous signale un trou dans la chaussée sur le 42 Mons en direction de Tournai, à hauteur de Tournai. La bande de droite est localement fermée, la situation est dangereuse, c'est au kilomètre 31.1. Et puis un accident sur le 40 Bruxelles en direction de Liège, à hauteur de Saint-Steven-Voluwe, donc ça veut dire Voluwe-Saint-Lambert. Saint-Lambert, c'est plus facile, hein, je dis. Non, en le disant, je me suis dit, bon, je vais peut-être le traduire. C'est la bande de gauche qui est obstruée, donc je vous rappelle, sur le 40 Bruxelles en direction de Liège, c'est au kilomètre 4.4. Très bien, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, comme d'hab, vous connaissez le principe, vous nous envoyez un petit message au 3044 par SMS et 50 centimes le message, ou par mail, et c'est gratuit, mikl@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et c'est l'heure de la ligne anti-relou maintenant sur Fun Radio, avec les messages qui ont été déposés au 0-473-86-00-13, grâce à vous, car vous avez été nombreux à donner ce numéro. C'est le numéro de ligne anti-relou à tous les relous que vous pouvez croiser, que ce soit au travail, que ce soit en discothèque, que ce soit en attendant le bus, le métro, à l'école également. Bref, peu importe, il y a des relous partout. N'hésitez pas à leur donner ce numéro de téléphone, 0-473-86-00-13. On écoute maintenant le premier message d'un relou qui a laissé son message en pensant être chez la bonne personne, sauf que évidemment il est tombé chez nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Et je vous appelle parce que j'ai pas mal de problèmes dans l'appartement. À côté, chez monsieur Roy, il n'arrête pas de faire des feux de cheminée de bois. Et un jour, j'ai été chez lui, chez monsieur Magno. Oh, dis donc, alors. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous foutez là? Foutez quand chez vous? Alors, si vous pouvez me rappeler ce matin. Ouais, t'imagines, qu'est-ce que tu veux faire quand t'es le propriétaire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai le numéro de la ligne anti-relou. Bah, exactement, voilà, c'est ce que j'aurais fait à sa place, exactement. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Salut Johanna, c'est Christopher. Juste un petit message pour dire que je voulais savoir comment que ça va. Et voilà. Voilà, bah, je voulais savoir aussi comment que ça va chez vous, auditeurs de fun. Hein, comment que ça va, dites-moi. Bah que ça va, bah tant mieux alors. Allez, dernier message. Tu sais, je t'appelle, décroche, te plaît, merci. C'est dur. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. Non. Je me demande ce que ça fait de nager dans une bouteille de rhum. Bah ça, c'est à peu près le résultat. Tu vois, ça devrait être ça, je sais pas. On essaye, on ramène une piscine, on met que de la que du rhum, dedans. Ouais, c'est ça, ouais, pourquoi pas, ça peut être une idée. Ouais. Je pense qu'on va être bourré juste à l'inhalation, mais sinon ça va. Il est 8h52 sur Fun Radio. Dans un instant, on appelle encore une fois pour vérifier si les gens prévoient leur relation sexuelle, justement, leurs ébats amoureux. On fait ça dans un petit instant, à 8h52, juste après le son de The Wanted. C'est Glad You Came, bonne matinée sur Fun. The Wanted sur Fun Radio avec Glad You Came à l'instant. Il est 8h54. Bon réveil tout le monde et on recherche toujours évidemment notre petit invité mystère de ce matin. Voilà, oh, c'est un vrai mec, hein, de toute façon. Je pense pas être un PD moi non plus. Bon, ben voilà, on proposait Bart de Weaver. Donc il y a un moment, il faut peut-être éventuellement se laver les oreilles. Hein, ouais, je sais pas. J'ai dit qu'il était belge, certes, mais quand même, il ne souhaite pas la scission de la Belgique, lui. Si vous avez une idée, il y a des écrans plats à gagner ou des Home Cinéma LG, entre autres, à gagner au 63-22 si vous avez la bonne réponse. Qui est notre invité mystère? Voilà, oh, c'est un vrai mec. Hein, de toute façon, je pense pas être un PD moi non plus. Bon. Voilà. Si vous avez la réponse, 63-22, bonne chance. Ou pour nos amis Lulu, au 621-783-605. Bon, on appelle de nouveau pour vérifier si les gens planifient leur ébats sexuels. Ouais, parce que donc il y a un sondage qui dit que donc 45% des Américains et 35% de la population mondiale planifient leurs ébats sexuels. Ça tout fait quand à même fait. Plus d'une personne sur trois. C'est quand même pas mal. Ouais. Donc du coup, on va téléphoner. On avait déjà appelé tout à l'heure. On avait appelé où d'ailleurs? On avait appelé à Chapelle-lès-Arlémont, à Smuïd également. Et là, on va appeler à la Calamine. Oui, appelons à la Calamine. Allez, c'est parti, direction la Calamine maintenant pour prendre la température, c'est le cas de le dire. Et puis il y aura l'info de Julie après, Snoop Dogg. Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous aviez un planning pour vos rapports sexuels. Ça m'intéresse pas, monsieur. Voilà, ça mérite d'être clair. Je ne m'intéresse pas, monsieur. Pourtant, au début, elle avait l'air gentille. Bonjour ! T'es contente, on l'appelle et tout ça. Bon, on la rappelle. Il est chance, ça n'intéresse toujours pas. J'en ai peur. Allô ? Oui, excusez-moi, mais je crois que vous n'avez pas bien compris ma question. Je ne vous demandais pas si ça vous intéressait, je vous demandais si vous aviez un planning. Ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie de vous en parler. Oui, mais d'accord, mais vous me dites oui ou vous me dites non, c'est tout. Non, je ne vous dis rien du tout. Oui, donc vous n'avez pas de planning. Ben, je ne vous dis rien du tout. Si j'en ai un ou si j'en ai pas, je ne sais pas. D'accord, et vous pratiquez plutôt quel jour alors? Écoutez, je ne vous dirai rien du tout sur ma vie sexuelle. C'est tout. Au revoir. Voilà, ça mérite d'être clair aussi. C'est agréable. Encore un petit coup? Juste pour le plaisir. Allez. Juste vite fait. Hein. Allô ? Oui, excusez-moi, j'étais au téléphone avec votre femme et on a été coupé. Oui, bah oui. Voilà, mais peut-être que vous allez pouvoir me répondre. Ça dépend, je vous écoute. Voilà, bah en fait, je voulais savoir si avec votre femme, vous planifiez vos rapports sexuels. Mais tu veux mon poing dans ta gueule ? Bah, non. Tu veux mon poing dans ta gueule ? Bah non, moi je veux juste savoir si... Tu viens de m'en dire ça à la porte et t'as une baffe, connard. Allez, ne réponds plus maintenant, je préviens la police. Salut. Tu veux mon poing dans ta gueule? Viens me dire ça en face et t'as une baffe. Connard, j'avais oublié la petite fin là. Parce qu'on se connaît bien et on est très intime, donc il m'appelle connard. Oui, c'est vrai, effectivement. Bah, charmant à la Calamine alors. Hein. Des gens charmants. Ah, très gentils là-bas. Charmant, ouvert, disponible. Top, au top du top, effectivement. Bon, et bien on remettra le couvert dès demain, évidemment, à partir de 6h du mat. Et puis on nous proposait Bart n'est pas belge, il est flamand. C'est vrai, effectivement. Pardon, je m'étais emporté, je suis confus. Bon, l'invité mystère dans un petit instant, je vous le remets vite fait avant l'info là. Voilà, bon, c'est un vrai mec, hein, de toute façon. Je pense pas être un PD moi non plus. Bon. La réponse au 63-22, il y a des écrans plats ou des home cinéma LG à gagner. Bonne chance tout le monde. Il y aura Kerylson aussi dans un instant avec Lose Control et Nelly. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Restez bien fidèles à Fun, on revient dans deux minutes. Nickel à la radio sur Fun Radio. Et écoutez bien ça, ça va être une énorme soirée. Pour ses 20 ans à Charleroi, Fun Radio est la première radio de la région. Et c'est grâce à vous. On aurait pu simplement vous dire merci, mais on a décidé de faire beaucoup plus. Le 17 décembre, toute l'équipe de Fun Radio va fêter ça avec vous au Coliseum de Charleroi. La soirée des 20 ans de Fun Radio, c'est le 17 décembre au Coliseum et nulle part ailleurs. Et ce n'est pas tout. Pour ses 20 ans, Fun Radio vous offrira ce soir-là des billets d'avion pour toute l'Europe, mais aussi un séjour dans le magnifique hôtel et spa Mangalan à la Costa Calida en Espagne. Avec le soutien de Jetairfly, Brussels, São Charleroi Airport, la Nouvelle Gazette et Télécembre. Fun Radio, le son dance floor. C'est Fun Radio, il est 9h, bon réveil avec nous. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Je vous appellerai également juste après l'info de Julie pour vous rembourser vos factures sur Fun Radio. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 6322. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle peut-être en direct dans quelques instants sur Fun Radio. Moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence, même pendant les fêtes. Et même pour tous mes cadeaux. Vandenborg. Vous avez bien choisi. Grâce à votre contrat de confiance. Et là, c'est l'heure de faire un tour du côté de l'actu. C'est avec Julie que ça se passe. Bonjour à tous. Nordine Amrine, l'auteur de l'attaque sanglante place Saint-Lambert à Liège, a tué une femme chez lui avant son carnage. Les policiers ont découvert un corps sans vie dans un hangar situé à proximité de son habitation, rue de Campine à Liège. C'est dans ce hangar que l'intéressé cultivait ses plants de cannabis. Il s'agit d'une femme de ménage âgée de 45 ans. Hier matin, il l'a attirée chez lui sous prétexte de lui fournir du travail. Il l'aurait ensuite agressé et tué. Nordine Amarini avait 33 ans, il vivait seul, il était connu de la justice. Il avait été condamné en 2008 à 5 ans de prison pour culture de cannabis et possession d'armes de guerre dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Mais il avait été libéré sous condition en octobre 2010. Le matin du drame, il avait été convoqué dans un service de police pour audition. Il ne s'était pas rendu à son rendez-vous. Et puis, la veille des faits, Amrani aurait versé une somme d'argent sur le compte de sa compagne avec la mention « Je t'aime mon amour, bonne chance », ce qui laisse à penser que son acte terrible était bien prémédité. Au total, 5 personnes ont perdu la vie. Certains des 123 blessés sont toujours entre la vie et la mort. La ville de Liège observera une minute de silence à la mi-journée en hommage aux 4 victimes. Et à 9h30, un hommage sera également observé au Parlement wallon. Une marche blanche en l'honneur des victimes sera organisée ce samedi 17 décembre. Elle partira à 13h de la place Saint-Lambert, lieu du drame. Enfin, le Sporting d'Anderlecht qui accueille le Lokomotiv Moscou dans le cadre de l'Europa League observera également une minute de silence et ils porteront un brassard noir en mémoire des victimes. Les joueurs du Standard qui joueront demain à Copenhague feront de même. Dans le reste de l'actualité, Bart De Wever était hier soir l'invité du Grand Direct sur le plateau de RTL TVI. Le président de la NVA, le premier parti du pays, reste fidèle à son projet à long terme, c'est-à-dire la scission de la Belgique. Une scission qui sera selon lui bénéfique pour les Flamands, mais aussi pour les francophones. Il a jugé le gouvernement actuel démocratiquement inacceptable et il a déclaré qu'Élodie Rupo était le grand chat qui peut désormais jouer avec les souris flamandes qui composent son équipe. En France, la nuit dernière, un incendie s'est déclenché dans une maison de retraite de Marseille, causant la mort de 6 pensionnaires décédés par intoxication. L'incendie s'est déclenché dans une chambre. Le feu a été maîtrisé et les pompiers ont pris en charge 15 personnes intoxiquées, dont 3 plus grièvement, qui ont été transportées à l'hôpital. 9h03 sur Fun Radio. Dans un instant, le remboursement des factures. Je vous réexplique comment ça va se passer dans un instant. Le temps de faire un tour du côté de cette magnifique radieuse estivale météo. C'est pas terrible. Hein. Le ciel sera changeant avec des averses à prévoir, parfois hivernales sur l'Ardenne. Le vent sera soutenu avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Température de 4 à 8 degrés. Demain, toujours des averses, toujours du vent et toujours jusqu'à 8 degrés. Génial, quelle bonne nouvelle. Bon, 9h03 sur Fun Radio. Je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures dans un instant. On écoutera aussi Kerylson avec Nelly et Lose Control. Fun Radio. Fun Radio. Il est 9h04 sur Fun Radio, le remboursement des factures. Un jeu d'enfant, 63-22. Vous débutez le message par facture avec le montant et avec l'objet de la facture. On vous appelle d'ici quelques instants pour vous les rembourser, justement, vos factures. Comme par exemple une facture de 120€ pour un radar. Bah oui, il faut rouler moins vite, hein, qu'est-ce que je te dise, moi. 60€ pour des feux d'artifice pour le nouvel an, c'est Mick qui avait envoyé les messages. 107€ pour le gardiennage d'enfants. 126€ pour une mensualité, mais je ne sais pas de quoi. 350€ pour un chien pour les fêtes des enfants. Moi, ce que je comprends pas, c'est que si vous offrez un chien à votre gosse ou à un chat, il sera ravi. Pourquoi oui. en prendre un payant? Enfin, tu vois, il y a tellement plein, ils sont gratos. Mais ouais, aller les chercher dans des refuges. Tu vois, enfin, je sais pas, après, t'as peut-être une raison bien précise, hein, j'en sais rien, mais je trouve juste bête d'offrir un chien qui coûte une blinde à un gosse qui sera aussi ravi avec un chien gratuit, tu vois. C'est vrai. Ça, donc c'est vrai. Voilà. Bon, enfin, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Un chien de race ou un faut voir. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, bah, si le gosse veut un chien de race. C'est un bâtard et il se fait bien enfumer quand même. Bon, allez, 9h05, on rembourse les factures au 63-22, code facture dans un instant, mais avant cela, c'est l'info en plus. Eh bien, justement, on parle d'animaux. Ça tombe oui. bien parce que un chat c'est italien. C'est pas bien de dire ça alors que tu parles de notre stagiaire. C'est pas gentil. Un chat italien est devenu le troisième animal de compagnie le plus riche au monde avec une fortune. Non mais ça c'est surréaliste. Avec une fortune, on s'accroche à estimer à 11 millions d'euros. Il a gagné alors, l'euro million quoi. C'est un petit peu ça. Alors Tomasino est le nom du chat. Ce chat âgé de 4 ans, eh bien, il avait une vie un peu de vagabond. C'était un chat errant et au détour d'une poubelle dans les rues de Rome, il a rencontré une vieille dame qui l'a adopté. La vieille dame, bah, elle est décédée à l'âge de 94 ans. Mais elle a tout légué à son chat. Donc c'est sa fortune énorme avec ses propriétés, etc. Tout ça estimé à 11 millions d'euros. Problème, la loi italienne ne permet pas de donner de l'argent à un animal de compagnie. Bah quel non. dommage. Encore heureux. Eh bien donc les sommes, ça c'est la bonne nouvelle, seront donc partagées entre différentes associations de défense des animaux. Alors ce chat, comme je l'ai dit au début, est le troisième animal le plus riche au monde. Donc évidemment il y en a deux devant lui. Le premier c'est un berger allemand qui est quand même... Eh bien, il possède quand même 100 millions d'euros. J'ai un petit peu du mal à le dire. Et puis, c'est suivi par un chimpanzé qui, lui, est riche de 46 millions d'euros. C'est scandaleux, quoi. Quand tu vois le nombre de gens là, qui sont à la ramasse. C'est un peu dur, effectivement. Je trouve ça bien que la loi italienne interdise qu'on donne de l'argent aux animaux. Comme ça, au moins, tu vois, c'est d'office, ça va à des associations pour les animaux. Et ça, c'est très, très bien. Par contre, je suis d'accord de l'accueillir, le chat. Moi, oui, j'ai toujours été un ami des chats. J'aime beaucoup les chats. Mais il faut déjà que le chat accepte de te léguer sa fortune. Mais je ne veux pas qu'il me la lègue, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Oui, tu vas t'en occuper. Je m'occuperai du chat, je le caresserai, il fera ronron, et puis voilà. Non, franchement, moi, il n'y a pas de problème. Je m'en occupe sans problème. Mm-hmm. Ah oui. D'accord. Tu me crois quand même. Je suis pas certaine qu'il ait une durée de vie très longue, hein, si jamais il te met sur son testament, le chat. Tu me crois pas? Non. Garde. Tu vois, je suis déjà en train de lui caresser en dessous de la bouche, de la gueule. Regarde, il est content, le chat. T'as envie de rester avec moi, le chat, hein? Tu vois, il est content. Hein. Ouais. Bon, ok, allez. D'accord, on a compris, on peut arrêter le ronronnement parce que c'est limite perturbant. Ah, mais c'est parce que je le caresse, hein. Qu'est-ce que tu veux, il est content, hein. Je peux rien y faire. Ouais. Bon. Heureusement que Tof n'est pas là pour faire une blague salace sur les chats. Oui, heureusement. Oui. Allez, Kerilson maintenant. Je ne me permettrai pas. Ah, ouais, il c'est est là. Ça. Kerilson et Nelly, c'est Loose Control sur Fun Radio. Bonne matinée. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. En direct sur Fun Radio, effectivement, on appelle et on vous rembourse vos factures. On écoutera le son de Snoop Dogg et Wiz Khalifa et Bruno Mars avec Young, Wild and Free. C'est dans un instant sur Fun Radio, mais avant cela, vous êtes inscrit au 63-22 en débutant le message par facture ou pour nos amis luxembourgeois au 621-783-605. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit pour qu'on lui rembourse sa facture. On va rembourser une facture de garage, a priori, là, pour la voiture, je suppose, ou la moto, je ne sais pas. Il ou elle décroche, bien sûr. Allô ? Allô, bonjour ! Bonjour, Fun Radio ! Ah, j'allais dire, qui paye les factures le matin ? Eh ben, c'est Fun Radio ! Ben oui, exactement, ouais. Super ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Corinne. Corinne, t'es dans quelle ville, Corinne ? Eh bien, je suis de Elbeek, mais là, je suis en route sur Bruxelles. D'accord, eh ben... J'ai dû passer au garage ce matin, parce que mes essuie-glaces étaient morts. Donc oh, voilà, ça... Ah ouais, donc ça va, donc t'es vraiment ce matin, t'es passé au garage, tu t'es dit, bon, merde, ah, ça oui. me fait chier de payer, hop là, tu nous envoies la facture. Bah écoute, très bien. Exactement. Très bien. Bah Corinne, combien la facture ? Ben, 63,59€. Eh ben écoute, c'est cher pour les essuie-glaces. Hein. Je pense que le garagiste est un peu enfumé quand même. À mon avis, il y avait une ampoule pour ah bah oui. Avant aussi, ça, c'est bien les garagistes. Voilà. Bonjour, je viens changer les essuie-glaces. Oh oui, pas de problème. Des trucs en plus. Dis donc, ma petite dame, là. Il y a l'ampoule qui marche plus, là. Ouais, vous voilà. savez que ça peut beaucoup. Bah, je vais vous la remplacer. Hein. Vous avez vu votre pneu, là. Il est un peu lisse quand même. Hein. Ah bah écoutez, on va le faire, c'est pour votre sécurité. Puis l'huile, là, elle a l'air un peu pourrie. Hein. On va la refaire. Bah, ça fait 1500€. Et encore, je vous fais un prix, ma petite dame. Tu vois, c'est ça le garagiste. Ouais. Hein. Bon, alors, bah Corinne, on va te rembourser ta facture, il n'y a pas de problème, 63,59€. Bah, reste au standard, on va prendre tes coordonnées, d'accord? D'accord, merci beaucoup en tout cas. Bonne Je t'en prie. À tout le monde. Gros bisous Corinne, à bientôt. Au revoir, merci. Et si comme Corinne, vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, un seul numéro, enfin deux en l'occurrence, 6322, ça c'est par SMS pour la Belgique. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et pour le Luxembourg, c'est au 621-783-605. Voilà. Bonne matinée à tout le monde. Dans un instant, l'invité mystère. Nous allons en parler évidemment, puisque oui, il y en a beaucoup qui ont trouvé la bonne réponse. On fera un tirage au sort dans un instant et puis on va s'écouter le son de Snoop Dogg maintenant sur Fun Radio avec Wiz Khalifa et Bruno Mars, Young, Wild and Free. Fun Radio. L'horoscope. C'est l'horoscope sur Fun Radio, 7h15, 9h15. C'est l'horoscope avec l'ami Doudou, évidemment. Et l'ami Doudou qui est là. Tiens, Doudou, vous planifiez, vous? Je planifie quoi? Les relations sexuelles avec vos maris, là. Oh là là, non, je n'arrive même pas à me souvenir là, avec qui j'ai passé la nuit. Alors comment vous voulez que je me souvienne de à qui j'ai donné rendez-vous? Vous avez des problèmes de mémoire, Doudou? Oh oui, c'est de pire en pire. Ah, et vous n'avez pas d'idée d'où ça peut venir? Ah là là, non, aucune. Pourtant, je réfléchis, je cherche. Ouais. C'est pas comme l'homme là, vous n'avez pas aucun rapport avec des plantes que vous fumeriez éventuellement, non? Bon, allez. Ah non, je crois pas. Ah, non. Bah, écoutez, c'est bizarre. Bon, allez, l'horoscope maintenant, les béliers. Oh, vos chances financières et professionnelles ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Ah ouais. Les taureaux. Vos supérieurs sont impressionnés par vos connaissances et vos compétences. Les gémeaux. Certains jours, les choses ne vont pas toujours comme on le veut. Ne vous emportez pas. Ça n'arrangera rien. Et les cancers, comme Julie. Ouais. Vérifiez vos dépenses et réglez tout ce qui n'a pas encore été fait. Ouais, oui, la porte et tout ça, la voiture qui est cassée, oh non, mais toujours ça, c'est et toujours. Effectivement, elle restera comme ça et puis c'est tout. Ah, bah d'accord. Les lions. Une escapade amoureuse pourrait avoir des conséquences sur votre santé. Les vierges. Plus vous êtes satisfait, plus vous vous sentirez bien. Les balances. N'ayez pas peur des changements qui s'annoncent et réagissez avec souplesse à ces challenges. Les scorpions. Attention, soi-disant bonnes idées financières. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les sagittaires. Vous avez tendance à exagérer, soyez un peu plus raisonnable enfin. Les capricornes. Agissez plus habilement et gardez votre sang-froid. Les verseaux. Une telle joie de vivre, vous ne l'aviez plus connue depuis longtemps, alors savouez-la. Et puis les poissons pour terminer. Vous êtes aujourd'hui sujet à la nervosité, cela pèse sur votre entourage. Très bien, merci Doudou, à demain. Oui, d'accord, à demain, bonjour. Très bien, oui, bah nous au revoir en l'occurrence. Hein. Tiens, un message qui dit gros big up à la plus jolie fille de Fun Radio, Julie. Ah, il précise, on sait jamais. Hein. Merci. Ainsi qu'à toute l'équipe. J'espère un jour vous rencontrer quand mes finances iront mieux. C'est Alex. Bah, t'es le bienvenu, Alex. Il n'y a pas de problème. Mais normalement, d'ailleurs, oui, on devrait être. C'est gratuit l'entrée de la radio. Hein. Ah, ouais, oui, c'est vrai, c'est gratuit. Après, ça dépend où tu te trouves, mais on sera à Turbuy vendredi, théoriquement. Oui, normalement. Oui, bah, normalement, oui. On vous dira où dès demain, vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. 9h17. Bon, gros bisous, en tout cas. Oui, oui, tu viens quand tu veux. C'est Doudou qui a choisi où on va. Ah, d'accord, ok. Bah, ça va être beau, tiens. Nous avons Laurence qui est avec nous. Salut, Laurence. Bonjour. Comment ça va, Laurence? Ah bah très bien hein. Bah tant mieux alors, écoute. Quand on m'appelle, tout va bien. T'as vu un peu hein. Bon alors Laurence, tu as une réponse à l'invité mystère. Qui est-ce? Ah là, de l'autre, c'est un vrai mec hein, de toute façon. Je pense pas être un pédé moi non plus. Bon. Ah ouais. Alors qui est-ce Laurence? Je dis que c'est notre ami Johnny Hallyday. Mais oui, j'avais dit qu'il était belge, effectivement, et il l'est toujours, et il l'est toujours. Laurence, bravo, tu repars avec les cadeaux, tu choisiras au standard dans un instant avec l'OB. Entre la caméra vidéo numérique, lecteur MP3, Home Cinéma, ou alors l'écran plat. Je te souhaite une bonne journée, Laurence, 33 ans à Liège. Merci beaucoup. Et on embrasse tous les Liégeois d'ailleurs. Salut, salut Laurence. Oui, c'est gentil, merci. À bientôt, ciao à toi et bonne journée, à bientôt. Dans un instant, on vous offre ticket direction Tignes également, puisque je vous le rappelle, Fun Radio vous offre toute cette semaine vos places pour aller à Tignes, la Fire Mix Party avec Antoine Clamaran. On vous paye votre logement pour deux personnes, un petit studio avec les remontées mécaniques, avec tout ce qui va avec, et vous passerez votre semaine au ski, semaine de Noël à Nouvel An, c'est plutôt un bon délire. Si vous voulez gagner ça, c'est facile, 63-22, débutez le message par Neige, tout simplement avec vos coordonnées complètes. Bonne chance tout le monde, et on vous appelle juste après le son de Sean Paul, She Doesn't Mind. Il est 9h22 sur Fun Radio. Tous les matins, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 9h30. C'est Mickaël à la radio avec pas mal de choses, notamment évidemment ce grand jeu que nous avons inventé depuis hier qui reviendra également dès demain. Le Frit Code Game. Et d'ailleurs, si vous voulez bien sûr jouer avec nous demain au Frit Code Game, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. 6322, débutez le message par Frit, tout simplement. Ou alors vous me faites un petit message sur mon Facebook ou sur mon Twitter, il n'y a aucun problème. Le retour du Frit Code Game. C'est dès demain, bien évidemment, à partir de 6h. On compte sur vous pour pour être là en pleine forme. Sinon, il y a un message qui est arrivé aussi par rapport à la porte de la voiture de Julie, hein, qui est toujours cassée depuis le mois d'août. Hein. Pour la porte de la voiture, ma petite Julie, c'est ta faute. Je t'ai déjà dit de m'appeler hors antenne et qu'on trouverait une solution signée Greg. Voilà, tu vois. Bah oui, c'est parce que tu ne veux pas trouver de solution. Mais j'ai du mal à croire que les gens sont si gentils. Tu vois, les gens sont gentils. Il faut y croire. Ouais. Bon, et puis ce matin, vous le savez, c'était il y a une heure, nous avions en direct Bart de Wever. Enfin, autant en direct qu'RTL hier soir. En direct, donc Bart de Wever pour une interview exclusive que je vous propose de réécouter maintenant pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Bart de Wever, merci d'avoir accepté de venir en direct pour cette émission enregistrée hier. De rien. Alors Bart, est-ce que vous êtes conscient que vous avez foutu le bordel hein, pendant plus de 500 jours quand même ? Non, je peux dire, tout est ma faute. Donc vous le reconnaissez ? Mais non, pas du tout. Alors, vous avez du mal à le reconnaître, hein, mais je vous ai quand même bien eu là. Hein. Non, bien joué, hein. Mais moi je suis pas comme ça. Oui, bon je comprends, c'est pas facile de reconnaître qu'on l'a eu dans l'os, hein Bart ? Ouais, c'est ce qu'on dit toujours, mais je pense pas que c'est la vérité. Est-ce que vous pouvez être de mauvaise foi quand même ? Ouais, pas du tout. Bon, je crois qu'on ne va pas avancer là-dessus. Hein. Si on parlait un peu de vous, justement, tiens, vous avez bien des petits secrets à nous révéler ce matin. Je pense qu'il n'y a pas de vrais secrets. On doit simplement dire les choses comme ils sont, je dirais. C'est vrai ? Alors, on peut parler de cette aventure que vous avez avec Julie, notre journaliste ? Oui. Ah, et comment vous envisagez votre relation avec elle ? Allez, notre projet, c'est un projet à long terme. Ça veut dire que vous allez vous marier ? J'ai des doutes, mais on va bien voir. On va bien voir. Vous lui avez pas encore fait votre demande ? J'ai dit, je vais pas répondre à cette question. Oh, c'est mignon. Vous voulez lui faire une surprise ? Voilà. Eh bien, on vous souhaite plein de bonheur et merci, Bart de Wever, d'être venu ce matin en direct dans cette émission enregistrée hier sur Fun Radio. Une fois donc avec plus, nous. Vous dévoilez mon histoire d'amour. Mais oui. Au grand jour. Mais oui, je on sais. On ne peut rien vous cacher. Déjà qu'elle va se marier avec Nicolas Sarkozy et Bart de Wever. Ouais, bon, ouais. Ok, c'est vrai. J'aime beaucoup les hommes de pouvoir. Bah, mais physiquement, c'est pas deux têtes faciles. Mais enfin, je préfère quand même Sarkozy à la limite, ou pas hein. Oui, oui, c'est vrai. À choisir, tu vois, il y a un moment. Mais Sarkozy était trop petit pour elle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que Julie est grande. 1m75. Bah ouais, c'est ça le problème. Bon, allez, on va se retrouver demain. Mais avant cela, on va offrir un petit, peut-être un petit voyage direction Tignes. Et pour jouer avec nous, nous avons avec nous, bah je ne sais pas qui, mais en tout cas il est là, où il est là, je ne sais pas comment il t'appelle. Vanessa. Ah, Vanessa. Salut Vanessa. Salut. Comment ça va ? Ça va. Bon, bah bienvenue. Alors, Vanessa, tu as quel âge ? Tu es dans quelle ville ? J'ai 25 ans et je viens de la Louvière. De la Louvière, très bien. Eh bien, écoute, on va peut-être t'inviter à rejoindre les 25 000 clubbers sur le plus haut dance floor d'Europe. Ça se passera le 31 décembre à la Fire Mix Party. Tu iras donc du 25 décembre au 31, enfin au 1er janvier en l'occurrence, pour deux personnes. Attends, c'est pas gagné encore. Une seconde. Pour l'instant, tu es sûr d'avoir gagné le casque audio polaire de chez Lenco. Et vendredi, c'est-à-dire après-demain, il y a Lucas qui va téléphoner, qui va tirer au sort une des personnes qui a gagné. Et vers midi, il appellera en direct sur Fun Radio cette personne. Si tu décroches, Vanessa, ça, c'est toi qui gagne. Okay. Donc sois bien à l'écoute vendredi à midi, d'accord ? Je serai à l'écoute, pas de problème. Bon, sois bien à l'écoute et décroche si jamais on t'appelle. Je te fais des gros bisous en tout cas. Ok, oui, merci. À bientôt Vanessa, ciao à toi. Et puis bah tous les autres, restez bien à l'écoute de Fun car vous pouvez gagner vos places pour la neige pour Tignes à tout moment de la journée. Puis il y a un message qui dit quel jingle pourri pour le Free Code Game. Mais justement, mais tout le monde nous l'envie. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le Free Code Game. Très bien, moi, jingle. Je comprends quoi. C'est une. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Façon de voir les choses, quoi. Voilà, je confirme que Julie est très jolie. C'est David, Transport Abraham. Voilà. Et ben voilà. Merci, voilà. David. Donc, toutes ces demandes ce matin. Oh là. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je. Oh, elle va finir dans Playboy, hein. Une Playmate. Non. Bah, si, en général, les jolies filles sont toujours sur la couverture de Playboy. Franchement, pas tout à fait. Elles sont bien foutues, mais elles sont pas spécialement jolies. Ah oui, non, mais voilà. Sous-entendu que Julie, apparemment, serait jolie, mais mal foutue. Non, je sais pas. Ça, c'est pas à moi de juger. Bon, joli, écoute, joli. On mettra ça. Oh, il va arrêter le stagiaire là, on va vite le virer s'il continue. On mettra la photo du corps de Julie sur le Facebook. Mais que dalle. Ils vont aller mettre un truc dégueulasse. On mettra ça cet après-midi sur le Facebook. Que vous verrez. On mettra un truc horrible. Mais pas du tout. Plus, quoi. On mettra ton corps après. Moi ouais, je suis rien. Hein, je suis pas tes parents. Je sais pas comment vous allez faire. T'inquiète pas, on a le bras. Oui, c'est ça. Bon, la bonne journée à Julie. À demain, 6h en pleine forme. Non, je reviendrai pas demain. Ouais, bonne journée à Lob également. Bonne journée à toi. Et à Seb le stagiaire. Non, hein, voilà. Non, mais lui il revient pas demain non plus. Hein. Ah, mais si. Dans un instant, c'est Lucas qui arrive sur Fun Radio avec le self. Vous faites la prog avec lui jusqu'à 13h. Passez une excellente journée. À demain. Salut tout le monde. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique.